94.2 Service Compris, émission spéciale Noël. Joyeux Noël! Eh bien le bonjour messieurs, dames, nous sommes le 25 décembre, qui dit le 25 décembre dit... Les cadeaux. Les cadeaux dit aussi... Noël. Dit aussi, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Joyeux Noël. Et Gaëtan qui me regarde comme toute l'année, il fait du mime micro, comme tout le reste de l'année, il me regarde en faisant du mime micro, c'est notre spécialiste du mardi. T'étais pas loin de dire bonne année quand même. C'est vrai, non, jamais de la vie, alors non, c'est joyeux Noël. C'est la semaine prochaine. Ah oui, on a encore un petit peu de temps, ça va, vous avez bien fêté hier soir? Très bien. Ouais, pas trop bu, pas trop mangé. Trop manger, c'est systématique. Ballonné, comme on dit. Manger, c'est systématique. De bétail. Oula, oui, mon meilleur ami, le 25 décembre, le citrate de bétail. Bon, les amis, on est ensemble eh bien, pour quelques temps ce matin. Nous, on est là, j'ai envie de dire presque aux aurores, mais c'est pas comme d'habitude, c'est un petit peu plus tard. En vous souhaitant évidemment un joyeux Noël, des jolis cadeaux qui vont peut-être arriver en cette fin de matinée pour certains. Moi, je sais que dans ma famille, depuis très longtemps, on donnait les cadeaux pour les enfants quand on était sur deux jours la veille. Et pour les adultes le lendemain. Voilà, c'est comme ça que ça se passait. Et donc, on aura pas mal de chroniques. Est-ce que j'ai envie de faire le sommaire? Oui, je fais le sommaire. Je commence par... Je vais faire l'éphéméride d'ici quelques instants. Sarah, toi, qu'est-ce que tu vas nous... Alors moi, je vais vous proposer un livre d'Amélie Antoine et Zelda Zonk. Je vous dirai qui sont ces deux femmes. Un livre qui s'appelle 24 moyens pour enfin voir le Père Noël. 24 moyens. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi on aime tant les films de Noël. Ouais. Moi, la première, j'adore les films de Noël. Et surtout, pourquoi la Laponie est devenue la capitale mondiale du Père Noël. Et en l'occurrence, Rovaniemi, en Finlande. Pourquoi c'est devenu le village du Père Noël. Et ben voilà, un beau programme en tout cas. Notre Juju. Alors je précise quand même, parce que là on a un petit groupement de toutes les matinales finalement, ce matinée de Noël, on a Sarah qui est du mercredi, voilà. On a notre Julien, qui est du mardi, dit l'humoriste, dans l'humoriste de Noël. Sera-t-il drôle? Est-ce qu'il va faire une meilleure blague que Tonton la blague, celui qu'on appelle Tonton, qui est toujours pas de famille, qui fait une petite blague, entre deux petites bêtises. Peut-être. Les sujets politiques aussi. Ah non, tu vas pas traiter de ça, toi. Non, moi je parle pas politique. Mais ça parle toujours politique, on n'avait pas de famille. Mais oui, c'est puis ça finit en esclandre. Une espèce de petite tension entre la poire et le fromage, c'est pas mal. Et moi, quand j'étais jeune, comme ça fumait, tu voyais pas les gens. C'était bien. À la gitane maïs. Ouais, au pire, tu dis, mais c'est qui a dit ça? C'est horrible, c'est raciste. Bah non, mais on sait pas. Donc, Julien, toi, tu vas nous parler de quoi? Eh bien, je vais parler des jouets de mon enfance. Des années 90, oui. J'ai mis ça un petit peu sous une espèce de guide pratique, entre guillemets. Puis nous, on pourrait te rappeler les jouets de notre enfance, moi c'est les années 80, et puis on fera les autres. On fera de plus en plus loin, jusqu'à la juste pomme. Juste à la première qui jouait quelque part avec des oranges. des oranges et des cailloux. Et le bout de bois, On avait beaucoup moins de cadeaux. Émeric. Les pommes de terre. Alors moi, mon enfance, pour le coup, c'est les années 2000, donc je sais pas si j'ai pas envie de vous vexer, on fera pas. Hein. C'est la jeunesse de la matinale, pour ceux qui ne savent pas, le lundi, c'est l'équipe des jeunes. Moyenne d'âge de 25 ans. T'as pas le droit de dire des choses comme ça, Émeric. T'as pas le droit. Ça augmente un petit peu. C'est un rappel efficace et important, j'imagine. Moi, je vous parle d'une tradition de Noël avec mes frères qui s'appelle le Noël des méchants. Je n'en dis pas plus. Il faudrait être là. Ah, le Noël des méchants. D'accord. Très bien. Tout à fait. David, le blagueur du vendredi. Oui, le blagueur. Donc, David, toi, tu vas te faire des petites blagounes comme ça. De Noël. Exactement. Attention, parce que ça, c'est risqué. Ça, c'est le truc casse-gueule, ça. Attention. On verra ça tout à l'heure. Gaëtan. Alors, moi, j'ai une chronique multitâche. Elle sera aussi bonne pour aujourd'hui que pour janvier. Ouais. Donc, c'est les bonnes résolutions, espoir ou mirage pour la remise en forme. Très bien. Et puis, notre Bruno qui finit le programme. Et on verra les autres aussi. Tout à l'heure, on n'a pas assez de place autour de la table. Donc, notre Bruno. Eh bien, moi, je vais vous parler de chants de Noël. Vous savez, on a tous des chants de Noël, mais il y en a certains qu'on a oubliés. Et des fois, c'est pas plus mal. Ah. Oui, c'est vrai. Alors, taisez-vous. Eh bien, écoutez. Et puis, une autre chronique aussi sur les films de Noël, enfin, presque de Noël. Très bien, mon ami. Ok. Allez, on danse. On va faire l'éphéméride de ce 25 décembre, mes chers amis. En plus, autant vous le dire, je préfère rendre à César ce qu'il y a à César. Malheureusement, notre Alex se levait bien trop tard pour faire l'éphéméride, donc il me l'a envoyé. Il m'a dit tu le feras. Ouais, donc, il a la gueule de bois, quoi. Ben oui, c'est ça. Nous sommes en ce jeudi 25 décembre, le 359e jour de l'année. C'est aussi la fête des Noëls, mais, et c'est dommage qu'il ne soit pas arrivé non plus, pas encore levé, c'est aussi la fête des Manuels. Ah bah oui. Vous saviez c'est le premier prénom de Jésus, non? Bah, j'ai l'impression que je suis en train de... C'est Manuel, ouais, c'est... Manuel. Emmanuel. Il était portugais. Mais non, c'est pas ça. Mais Emmanuel, t'as raison. C'est ça. C'est ça, c'est ainsi que les Emmanuels. Oui. Bah, c'est vrai qu'ils passent complètement inaperçus au final. Bah. Ouais. Ainsi que les... Et ceux qui vont paraître encore inaperçus ou passer inaperçus, les Aldassindes. Ah. Ainsi que Anastasie la Jeune. C'est vraiment un seul prénom, il faut le savoir. Hein. Ah. C'est un seul prénom. Qui appelle son enfant Anastasie la Jeune. Certainement que c'était une époque où tu disais Anastasie la Jeune, où es-tu? Voilà, c'est là quand tu criais pour appeler tes amis, c'était comme ça. Elle arrivait à cheval avec une lance, en général. Attention, voilà Anastasie la Jeune qui vient nous conquérir. De Montaigu. Voilà, de Montaigu. Très général. Important. De Rochefort. Et aussi les Eugénies. Ah. Aujourd'hui, effectivement. Alors, il y a des événements célèbres. Il y a une première mention de la célébration de Noël à Rome à une date bien précise. Je pense que personne n'était là autour de la table. C'était le 25 décembre 336. J'ai même Bruno, peut-être. J'ai l'impression qu'il manque, il manque un chiffre. C'est la 336. Première célébration à Rome. Alors, c'est la première attestation écrite qui se trouve dans un calendrier liturgique romain compilé. Donc, déjà vers 354, où on a dit ben, en 336, il y a eu une première célébration, une mention. Alors, je ne sais pas vraiment ce que c'est qu'une mention. En tout cas, une célébration de Noël. Alors, c'est peut-être pas comme aujourd'hui, c'est peut-être pas une messe de Noël. Mais en 800, il s'est passé aussi autre chose. Un 25 décembre, on a préféré éclipser peut-être Noël. C'est le couronnement du Capet. Bravo. Non, pas du Capet. C'est qui? Charlemagne. C'est Charlemagne. Charlemagne. Ah, c'était un des deux. Ah ben dis donc, bien pour quelle culture. Bien, ouais, quelle culture. C'est Charlemagne qui est couronné empereur d'Occident, mais alors par le pape Léon III. Et maintenant, c'est le pape quoi aujourd'hui? Léon 18, 16, 17. Ouais, on sait pas vraiment. Plus que 3. On est là. On est là. On dit bon. C'est au 14 ou au 16 de la rue, je sais pas, c'est pareil, c'est exactement la même chose. C'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près la même chose. Quelques naissances maintenant. Tout d'abord, nous souhaitons un joyeux anniversaire à toutes celles et ceux qui nous écoutent évidemment sur Fadiat et qui ont la malchance d'être nés un 25 décembre, ce qui implique deux fois moins de cadeaux en règle générale. En tout cas, peut-être pas par tes parents, mais par la famille. Ils disent, oh voilà, c'est bon. Moi, j'aurais bien voulu être parrain d'un enfant qui était né un 25 décembre. C'est vrai que je ferais qu'un cadeau par an. Parce que moi, je suis parrain d'un enfant qui est né, on fête Noël, comme tout le monde, et puis qui est né février, début février. Donc, moi, c'est trop tôt, j'ai pas l'argent. Le 5 janvier, le 5 janvier, je te rassure, c'est qu'un cadeau aussi. C'est qu'un cadeau. Ah oui, c'est ça. Ouais. Non, mais oui. C'est ouais. Ça. Alors qu'un président, c'est quinquennat. Les gens attendaient les soldes pour me faire le cadeau d'anniversaire. Je vais vous passer cette petite musique-là et vous allez me dire ce que c'est. Eurythmics. Bravo. Eurythmics, mais si précisément... Annie Lennox. Eh, bravo. Donc l'anniversaire tombe aussi le même jour, le 25 décembre, que celui de la chanteuse Annie Lennox, qui fête aujourd'hui ses 71 ans. Ah ouais, quand même. Ouais. Elle est en forme. Hein. Notre cher Émeric, qui écoute un petit peu de rap... Je te prends un peu en ref, le 25 décembre, et notamment le jour de naissance de quelqu'un qu'on pouvait apparenter, qui maintenant a triplé de volume au niveau musculature. Au niveau musculature ouais. Et c'est un ancien. Ah oui, c'est un ancien. Et si je te fais la un fouine. Petit dessin... La fouine. Voilà, bravo, la fouine. Tu n'es plus vraiment une fouine. Ouais. Non, mais là... C'est devenu la belette. Je sais pas, toi, t'étais jeune, mais moi, j'ai vu à ses débuts, il était tout queuche et tout, là. Et le mec, il a fait... on n'est pas tapé. Il a fait un peu de développé couché. La créatine est belle, hein. Elle est bonne. On a aussi, eh bien, une autre petit extrait musical, attention, pour les anciens aussi. Dido. Exactement. Dido, qui avait fait aussi un duo avec Eminem. Oui. Ouais, vous en rappelez? Oui. Oui, bien sûr. Dido, qui elle a aujourd'hui 54 ans. Wow. Et ce titre, c'est Air of Me, ça date de 99. C'était le générique d'une série TV aussi. Et d'ailleurs, savez-vous pourquoi son nom de scène est Dido? Non. Ouais, bah, Dido. Et bien, parce que son vrai nom, c'est pas une blague, c'est Dido Florian Claude de Moonviale Homale Armstrong. Dido, c'est pas mal. C'est ça. Elle est née dans les quartiers, le quartier londonien de Kensington en Angleterre. C'est une chanteuse pop rock et britannique. Ah, une que je vais pas faire chanter non plus parce qu'elle ne chante pas. Qui est née un 25 décembre 1967, c'est Carole Rouchaud, 58 ans. Celui où je ne saurais faire l'accent, mais qui a un accent québécois et qu'on voit le plus souvent dans Danse avec les stars. Jean-Marc Généreux. Ouais, j'allais dire, j'achète Jean-Marc Généreux, qui a 63 ans. Et aussi, si je vous dis Claudie Fritsch-Mentrop, qui a 73 ans, elle est née en 52. Elle a une coupe qui pourrait ressortir, je pense, d'actualité aujourd'hui, celle qu'on appelait, nous, quand j'étais jeune, la coupe à la brosse. Désirless. Ah, bravo. C'est Désirless, ouais. Effectivement, Désirless. Ils nous ont aussi, eux, quitté un 25 décembre. Eh bien, on va faire un petit extrait. Et là, c'était à seulement 53 ans. Je vais essayer de ne pas me tromper d'extrait, évidemment. Bah, c'était pas celui-là. Non, c'est celui-là. C'était celui-là. Eh ben, George Michael. Bravo, Fast Love. C'est un titre de 96. De son vrai nom, c'est Georgios Kyriakos Panayiotou. D'ailleurs, en parlant de George Michael, ouais, j'ai écouté que Last Christmas, explose tous les records. Cette année? Ouais. Ah bon? Parce qu'il y a une reprise. Avec des millions d'écoutes de Last Christmas. On va le trouver, on va le reprendre, parce que c'est vrai que je les mettais chaque année jusque-là, mais s'il explose, on le mettra c'est peut-être un remix ou je sais pas. Il y a une pas. Reprise qui vient d'être faite, là. Ah ouais, c'est pour ça. Bon, il y a aussi certains où la tragédie a eu vent d'eux, c'est notamment Dean Martin, qui lui a chanté Noël, on va le passer aussi avec Let It Snow, en 95, qui est décédé. Il y a aussi, mais malheureusement, je l'ai fait juste avant, hein, c'est ça. Voilà. Il a crié deux fois aujourd'hui. C'est James Blunt, qui nous a quitté en 2006. Ce titre est 1964. Il y a aussi Charlie Chaplin, qui est lui décédé. Il y a beaucoup de gens qui sont décédés le 25 décembre, ouais, en fait, hein, en 1977. Et aussi Gaston Gallimard. L'éditeur français qui lui est décédé, décédé à 94 ans en 1975. Est-ce qu'il y a une chanson du jour aujourd'hui? Eh bien, elle n'est évidemment pas sortie un 25 décembre. Vous vous doutez que ce n'est pas une stratégie efficace pour un disquaire. Personne ne pourrait offrir pour Noël un disque qui sort le 25 décembre. En revanche, la chanson qu'il a sélectionnée, parce que ce n'est pas moi qui l'ai sélectionnée, qui évoque directement Noël, on va l'écouter juste après l'éphéméride, elle est intitulée Noël Ensemble. Elle date de quand, à votre avis? C'est un disque caritatif qui est sorti en 2003. Il réunissait des chansons un petit peu traditionnelles de Noël, interprétées par un grand nombre de chanteurs et de personnalités francophones, parmi lesquelles Johnny, évidemment, il y avait Morane, Françoise Hardy, feu aussi Daniel Lévy, hein, tous les gens malheureusement qui sont décédés, Carole Frédérics, Michel Delpech, Jane Birkin et Patrick Duvet, tous les gens qui nous ont quittés malheureusement aujourd'hui. Les bénéfices de Noël Ensemble étaient destinés à financer la recherche contre le sida. Je ne sais pas s'ils en font encore C'est Obispo qui était à la... Obispo, il n'est pas mort. Hein. Non, mais c'est lui qui est toujours à l'œuvre. J'ai pas cité Obispo. Hein. Non, il n'est pas... Je ne sais pas s'il y a encore des trucs comme ça. Il y en avait eu plusieurs années. Il y avait aussi la Fondation contre le cancer. Il y avait le sida, il y avait plusieurs choses. Le Live Aid, le premier. Et c'est quoi le dicton du jour? Bonjour. Bah, Noël. À Noël, déballe tes cadeaux. Non, bah, voyons, celui qu'on sort tout le temps. Noël au je sais pas quoi, Paco diapason. Noël au balcon. Noël au diapason. On rigole de moi, mais je suis le seul qui ai trouvé. C'est vrai que t'as trouvé. J'ai fait une transmission de pensée, mais c'est pas tout à fait ça, mais c'est Aymeric à peu près. Avec Noël au balcon, effectivement, et Pâques au tison. C'est la fin de notre éphéméride. Joyeux Noël à toutes et à tous sur Fadiette. On écoute donc Noël ensemble. Tenez-vous la main et faites un truc qu'ils font. Allez, joyeux Noël, vous êtes évidemment sur Fadiette. Noël ensemble. Noël ensemble. Passez Noël ensemble. Dépasser nos querelles, ce soir nous rassemble. Refuser d'être seul, revenir à l'enfance et pouvoir rêver d'un sapin qui touche le ciel, former une guirlande. Et quand tout l'étincelle, qu'une étoile nous attend. Noël. Noël ensemble, sait faire la magie des flocons de lumière et le regard rempli de soleil. Quand les nuits se ressemblent d'un mot, une prière, faire que nos mains se tendent. Ensemble, ce titre qui date eh bien, de l'année 2000. Passez le plus beau des Noëls avec Fadjet. Joyeux Noël ! Eh bien oui, joyeux Noël à tous sur Fadjet. Et on peut d'ores et déjà se dire qu'on se donnera rendez-vous hein, à la rentrée avec toute l'équipe de la matinale de Fadjet qui s'est réunie, pas au complet évidemment, pour Noël, parce qu'il y en a qui ont trop bu, c'est comme ça, hein, voilà, ils n'ont pas pu venir ce matin. Et il y a les résistants, ceux que j'appelle les solides, les combattants de Noël, quelque part, hein, et dont notre Sarah, qui en fait évidemment partie. Ouais. Et Sarah, elle a pour habitude tout au long de cette saison, en particulier le mercredi, mais avec ton émission aussi, 4 pièces de lecture, eh bien de parler de livres que tu affectionnes. C'est vrai que tu ne parles pas de livres que tu n'aimes pas en général. C'est très mais rare. Mais ça pourrait être bien. Non ça, c'est difficile à faire. On ne parle pas bien d'un livre qu'on n'a pas aimé. Ah, mais est-ce qu'on peut avoir une critique constructive? Difficile. Ouais, c'est parce que c'est très moi, très c'est subjectif. Moi, c'est sûr que je serais assez simple, je dirais bon, bah, c'est de la merde. Voilà. Mais après, c'est très subjectif en fait. C'est comme aimer le chocolat ou pas. Ouais, voilà, ouais. Ça dépend vraiment. C'est de personnel, chacun. Mais d'avoir un ressenti. Moi, des fois, je le fais sur des films, tu vois. Parce qu'il y a des films que tu regardes, que tu te laisses ou tu te laisses emporter, tu les regardes. Tu trouves qu'ils ont une valeur, mais dans un contexte précis. C'est-à-dire c'est le moment où tu as envie de te libérer l'esprit et pas de réfléchir. Eh bien, tu sais quoi, ce sera mon défi pour 2026. Bah, voilà, parler de livres que j'ai pas forcément appréciés. Ouais, mais peut-être que tu pourrais les lire. Tu les lirais pas à certains moments. Exact. Il y en a que j'ai pas aimé à un moment, mais quand je les ai repris. Un an après, je les ai adorés. Ah bah, toi, et inversement. Et ouais. Inversement aussi. Voilà, ça peut être un défi pour l'année prochaine. Alors, moi, je vais vous parler d'un livre que je trouve intergénérationnel parce que les parents peuvent le lire avec les enfants ou les enfants qui savent déjà lire tout seuls peuvent le lire tout seuls. Mm-hmm. C'est un livre d'Amélie Antoine, illustré par Zelda Zonk, 24 moyens pour enfin voir le Père Noël. Parce que qui enfant autour de cette table ou dans les auditeurs n'a jamais rêvé d'attraper une image ou de voir le Père Noël quelques secondes une fois dans sa vie. Alors pourquoi je vous parle de ce livre ? Parce qu'il est fait un peu comme un calendrier de l'Avent. C'est des petites histoires, donc jour 1, jour 2, jour 3, etc. jusqu'à 24. Et la règle pour ce livre, c'est ne jamais lire le jour d'après. En fait, par exemple, aujourd'hui, imaginons nous sommes le 24 décembre. Eh bien, il ne faut pas lire jusqu'au 25. Il faut lire jusqu'après. D'accord ? Donc, pourquoi je vous en parle ? Parce qu'Amélie Antoine est une autrice française que j'aime beaucoup, qui ne fait pas que de l'illustration ou de la lecture jeunesse. Elle fait également d'excellents polars psychologiques et des romans. Et Zelda Zonk, eh ben pourquoi je l'aime bien ? Parce que c'est une grande illustratrice jeunesse qui est originaire du Grand Est, parce que de Besançon, que j'ai eu la chance de rencontrer aussi. Et je trouve que toutes les deux, à elles deux, ça matche bien. Elles nous font un petit bouquin qui fait 60 pages, qui s'adresse, comme je le disais, aux enfants. Et ce jeune garçon qui s'appelle Léon, eh bien, va essayer de trouver plein de combines pour attraper le Père Noël, donc du 1er décembre au 24 décembre, voire même jusqu'au 25, mais je ne spoile pas. Donc c'est frais, c'est intéressant, c'est 3 pages, on peut le lire avec son enfant ou tout seul, comme je le disais. Le format est très très bien adapté, parce que c'est un tout petit bouquin, je le montre à mes copains de jeu. C'est écrit en gros. Il se glisse dans n'importe quel... Oui, ça c'est bien pour moi. C'est sac, c'est écrit gros, c'est illustré. Regardez alors. En plus, des petites illustrations hyper sympas. Voilà, à la hauteur d'un enfant de 8-9 ans. Voilà, moi je trouve ça hyper rigolo, c'est rafraîchissant. Et quelquefois, les enfants, ils n'aiment pas trop lire. Alors quand on leur propose ce genre de choses, généralement, ça passe un peu mieux. Donc je le conseille à tous les parents qui auraient envie de faire découvrir comment 24 moyens pardon, pour enfin voir le Père Noël aux éditions Nathan. Super, voilà. Merci à toi en tout cas ma Sarah. Merci. Tu sais toujours bien. Ça m'avait manqué. Hein, ça. Bah tu vois. Ah ouais, ça m'avait manqué. On t'a pas vu un peu au mois de décembre, mais bon, t'étais quand même dans ton émission. Oui. On va écouter un titre que dont tu m'as parlé tout à l'heure justement. C'est plus quel c'est. Je suis trop bavarde. C'est pas la version correcte que j'ai là. Qu'est-ce que c'est? Non, ah c'est non, moi, un c'est remix. Last Christmas. J'ai pas pris la bonne. Mais normalement c'était que c'est un remix. Alors toujours des remix que je vois pas trop sur le dans notre bibliothèque musicale. Et je pense qu'elle va me faire mal celle-ci. Donc je vais écouter autre, on va mettre autre chose. C'était normalement George Michael. Je vais la trouver. Wham. C'est Wham. Oui, c'est ça. On va écouter peut-être une version tranquille avec Robbie Williams de Can't Stop Christmas. Et on se retrouve juste après. Je vous souhaite un joyeux Noël encore à l'écoute de Fatiette. So what are we to do about your FaceTimes and your Zooms? There's a room inside my mind, and it's always here for you. Nothing's gonna stop Christmas, no chance. You can't take away our season, like you can't take away the wine. Santa's on his sleigh, but now he's 2 meters away. The people gonna need something to believe. I know you'll be with me, and I'll be here. Nothing's gonna take Christmas. You can't take away our season, like you can't take away the wine. Santa's on his sleigh, but now he's 2 meters away. The people gonna need something to believe in. Allez, ça c'est Robbie Williams avec Can't Stop Christmas. On ne peut jamais arrêter Noël, vous entendez? Jamais. Surtout quand je vois vos tenues ce matin, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter, il nous permet de mettre vraiment n'importe quoi le jour de Noël. Vous aimez les serre-têtes de Noël? C'était magnifique. Tu poses des questions. Vous aimez les bonnets de Noël qui clignotent? Oui, moi j'aime bien ça. Bah, tout ce j'adore, j'adore les oreilles de Sarah. Les boucles d'oreilles. Si vous avez vu les boucles d'oreilles. J'avais pas vu que c'était des petits. C'est des maisons, pas des petits. Hansel et Gretel. Yes, qu'elle me dit Hansel et Gretel. Y'a Hansel et Gretel. C'est en pâte Fimo? Non, pas du tout. Bah ça pour... c'est... Oui, c'est vrai qu'on pourrait croire. Non, non, j'ai comme ça des bonhommes pains d'épices, des Pères Noël qui dansent, des lutins, j'ai plein de trucs. Voilà. Enfin, j'adore Noël, donc... C'est en chocolat, c'est en train de fondre. Joyeuses fêtes de fin d'année avec Fadjet. B-R-U-N-O, Bruno. C'est franchement, c'est pire en pire. Il y a un moment, je vais prendre ma retraite. Parce que je veux dire, c'est pas possible. Mes intros deviennent de plus en plus pathétiques. Même le mardi, mais j'essaye. Hein, j'essaye. Là, c'était version rap des années version 80. Crément d'Alsace. Hip hop avec. Il paraît que tu te mets à la hauteur de l'équipe que tu as en face de non, toi. Non, pas du tout. Vous êtes bien c'était plus haut, Benibi qui faisait ça. Benibi? Ah oui. Moi, c'est Benibi. Oui, tu l'as deviné. Arrêtez tout de suite. Tout de suite. Arrêtons. On va nous sacrifier. Bruno, toi, tu nous fais. Des petites chansons oubliées. Alors, c'est qu'à Noël, il y a des chansons qu'on entend un peu partout quand même. L'an passé, il y a aussi celle qu'on a décongelée il n'y a pas longtemps, Maria Carré, qui va bientôt retourner au congé. J'ai peur, qui c'est qui va me sortir. Et puis il y a celle qu'on a rangée un peu au fond du placard. Ouais. C'est ce que tu vas faire, François. Tu vas ouvrir la petite porte qui est juste à côté de toi, là, du placard, qui est juste à ta gauche, là. C'est vrai. Et on va essayer de comprendre pourquoi elles y ont été rangées, ces chansons-là. D'accord. Mais en plus, on va essayer de compliquer un peu la chose, c'est que je vais aller essayer de trouver qui chante quand même. Et je vais vous donner un indice. Français ou étranger? C'est toutes des chansons françaises. D'accord. Sauf la dernière, mais ça, la dernière, il n'y aura pas à la deviner parce que je vous la présente. Alors, on tourne sur une moyenne de 10 à 12 secondes. Donc, on a ouais, la possibilité... c'est ça. Alors, on va commencer par une approche très directe. Pas de poésie, pas de métaphore. On parle au Père Noël comme Patrick Sébastien. En face. Ouais. C'est ça, c'est frontal. Pardon. Vas-y. Parle bien dans le micro, mon Bruno. Oui. Carlos, Carlos, Carlos. Carlos, de toute façon, Carlos c'est un peu le pâteuse de l'époque. C'est ça. Et là, il pouvait faire sauter des gamins sur le ventre, il avait rien à secouer. C'était une chanson de Noël. Alors, moi, la seule chanson que je connais de Carlos, c'est Big Bisou. C'est la seule. Mais vous saviez de qui il était le fils, quand même? Françoise Dolto. Jackie Sardou. Non, Jackie Sardou. Non, pas Jackie. C'est Françoise Dolto. Françoise Dolto. Quand même, hein, tout de même. Vas-y, mon Bruno, continue. Alors, après Carlos, donc on va avoir un changement total d'ambiance. Alors, lui, il crie pas, il rêve. Noël version paillette dans sa tête. Regard perdu dans le sapin, on ferme les yeux et on imagine. Claude François. C'est Claude François. Tu le savais avant. Il y avait toujours des gens qui criaient avant. Il y a toujours des gens qui criaient avant un peu yéyé comme ça. Bravo. Je sais pas, c'est parti sur le téléphone pleure moi au départ. Je sais pas pourquoi c'est passé sur un truc comme c'est ça. C'est pas vraiment une chanson de Noël. Non, mais la sonorité, en fait, elle m'a fait penser. Il y a toujours des petites voix avant ces chansons comme ça, ouais. Là, on va redescendre un petit peu. Noël devient plus grave, plus sérieux. Il pense que pour lui, le 25 décembre ne rime pas forcément avec cadeau. Une autre facette de Noël, un peu plus rock'n'roll, mais moins lumineuse. Ce soir, c'est Noël. Un peu plus compliqué. Adamo. Non, il était jeune, là. Tu sais, l'enfant Jésus a fallu. C'est Dick. Attends, c'est... Non, c'est Dick Rivers. Dick Rivers. C'est Dick Rivers, ça ? Dick Rivers. Attends, écoute. Tu sais, l'enfant Jésus. Tu reconnais pas, c'est pas possible. On reconnaît un peu de. Là, fallait être moins jeune, quoi. D'accord. C'est vrai que c'est pas un répertoire dans lequel on a l'habitude de l'entendre. On va encore rester dans le rock. Tant qu'on est dans le rock, on va autant y rester. Et on imagine un Père Noël qui a troqué le traîneau pour une guitare électrique, moins de ho ho ho et un peu plus de riff. Rock'n'roll. Il y a un piège. On aurait dit Johnny, mais c'est pas Johnny. Non. C'était pas fini en plus. Mais c'est pas fou. Mais comme il disait wap, je me suis dit c'est les formants. Ok. Là on change encore d'univers. Noël redevient solennel. Elle arrive et d'un coup on se tient un peu plus droit. C'est une version de Noël dans la grande tradition comme on savait les faire à l'époque. Nord aussi. Est-ce que c'était bien, moins bien? À vous de juger. Mireille Mathieu. Les enfants, les... Mireille Mathieu. Ah, c'est Mireille Mathieu. Ah bah oui. C'est Mireille Mathieu. Ah ça. Oui, d'accord. Oui. Dire ses enfants. Une voix comme ça peut être... Montre ton tatouage de Mireille Mathieu. Ça. C'était pas Carlos, celui-là. Eh, non, mais il y a toujours une orchestration à Périmathieu, quand même. Hein. C'est vrai qu'elle a une voix. On aime ou on n'aime pas, peu importe. C'est dans quel pays, au-delà de ça, qu'elle a un succès phénoménal? Au Japon, Russie. Japon. Comme Nana Mouskouri, d'ailleurs, elles ont des carrières là-bas phénoménales. Russie, c'est une idole. Nana Mouskouri aussi, bon, c'est pas vraiment. Patricia Cass aussi, il y a beaucoup, non, partout, dans les pays de l'Est aussi. Hein. Patricia Cass aussi, je crois. L'Allemagne. Ouais. On peut continuer. Oui. Là, il va essayer de faire un braquage dans les sapins de Noël. Il est venu tenter un deuxième coup. Même voix, même ambiance. Mais cette fois, il nous explique que Noël, c'est l'amour. Un genre de deuxième service, mais sans rendre la monnaie. Ah, Tino Rossi. C'est le Beatender, ça, non? Non, c'est pas ça. Oui, ça va être un Tino Rossi, ça, c'est un truc comme ça. C'est Aznavour. Non, celui qui chante la chanson la plus connue de Noël, Petit Papa Noël. Bah, Tino Rossi, c'est ce qu'il a dit, mais c'est lui. J'arrête pas de le dire. Hein, bah alors pourquoi t'as pas dit que c'était bon? Bah si, c'est bon. Ah bah, t'as rien dit, du coup, moi je continue de chercher. Il laisse le débat. Alors Bruno, il fera un jeu à la télé. Bah, je vous ai dit, il y a une demi-heure, tout le monde continue à lire, mais c'est terminé. Merci, je veux dire. Bonne soirée à tous. Non, mais vous n'aviez pas l'air d'accord, vous n'avez pas dit c'est mon dernier mot. Bruno, tu joues sur les mots. Et là, dernier, qu'est-ce que tu nous fais, quelque chose? Alors, le dernier, ouais, je vous ai trouvé une petite perle. C'est quelque chose de vraiment, je trouve très très bien. Ouais. J'avais complètement oublié cette chanson-là, qui ont été interprétées par David Bowie et Bing Crosby. Et c'est Noël, Noël? Pour un, c'est une chanson qui a été faite pour une émission de Noël. D'accord. Bon, c'est un vieux classique, hein, une vieille chanson qui a été reprise même en français. Par Nana Mouskouri, si j'ai bonne mémoire. Donc ça a été enregistré en 1977 pour l'émission de Noël de Bing Crosby et ça s'appelle The Little Drummer Boy. Vous allez... King to see, ba-rum-pa-pum-pum. Our finest gifts we bring, ba-rum-pa-pum-pum. Rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum. On this earth, can it be? And years from now, perhaps we'll see. Our see the day of glory. See the day when live in peace again. So peace on earth when we come. Every child must be. Every child must be made to care enough for his fellow to give all the love that he can. I pray my wish will come true. It's for my child and your child too. Alors c'est Bowie et qui, Bruno, déjà, je ne sais Bing plus. Crosby. Bill Crosby, et c'était Little Drummer Boy. C'est ça, Fadjet. Joyeux Noël, mes amis. Il y a des gens qui sont arrivés dans les studios. Manu, on n'a pas j'ai dit eu bonjour. Un vélo. Moi, j'ai eu un vélo, mais sans la chaîne, donc c'est pour ça que je suis arrivé en retard. Ah, bah voilà, on a cru que tu avais trop fêté hier soir. Et on arrive, c'est étonnant d'ailleurs qu'il ne soit pas là, Alex. À mon avis, il a fait se ployer aussi. Hein. Il ne va pas tarder à arriver. Passez le plus beau des Noëls avec Fadjet. Joyeux Noël! Ouais, et puis on vous amène tranquillement vers le repas du midi, quoi. Hein. Nous, on a pris un peu sur notre temps pour être avec vous, en tout cas. Et puis on pense aussi peut-être aux gens qui n'ont pas la possibilité de fêter Noël. Il faut toujours y penser un petit peu. Hein. Je sais qu'il y a pas mal d'associations qui se démènent, en tout cas pour les fêtes de fin d'année, essayer de proposer des repas, des petites choses pour que les gens se retrouvent, parce qu'il y a de plus en plus automatiquement de gens qui sont seuls pour Noël. Donc il faut penser aussi un petit peu à eux. On va poursuivre notre émission parce qu'eux ne sont pas seuls. J'ai envie de dire que c'est la tradition des frères, mais ils sont combien de frères? On est quatre. Vous êtes quatre. Comme le nombre de pizza, de fromage sur une pizza. Eh bah, ben, tu vas prendre ça. Un petit. Là, c'est un habillage hip-hop de Noël. Mais avant toute chose, avant de te donner ça, Aymeric, la parole, on a celui qu'on appelle David Blagueur. David Blagueur, il a une petite blague à nous donner. Ouais. Il en a plusieurs, il en a une dizaine. Donc là, je vous cache pas qu'on va être parti pour un moment. Mais, mais déjà, on va en prendre une là. Alors, mon ami. Qu'est-ce qu'il y a 34 jambes, 2 têtes, 9 têtes et 2 bras? C'est des devinettes alors. Attention, est-ce que c'est des devinettes ou des blagues? Bah, c'est blague, devinettes. Là, c'est devinettes. Devi-blague. Devi-blague. Devi-blague. On va appeler ça la devi-blague. Alors, 34 jambes, 9 têtes et 2 bras? Oui, c'est ça. Bon, je pense que ça va être un truc lié à la famille. Le traîneau du Père Noël? Non. L'attelage du Père Noël? Non. Non. Poil, tu peux nous donner un indice, Devi, ou pas? Non. Non. C'est les neuf têtes qui me dérangent. Non. Alors, David, c'est quoi? Alors, la réponse, c'est le Père Noël et ses 8 reines. Eh ben, c'est ce qu'on a dit. C'est ça, l'attelage. Le traîneau du Père Noël. Tu fais ton Bruno, là, David. David, il fait des devinettes, mais il n'écoute pas les réponses. Ouais. J'ai bien envie d'arrêter cette émission. J'ai aimé comme Bruno. J'ai bien envie. Non, j'ai dit. Il n'aurait pas un petit peu tapé dans la bibine hier soir, celui-ci. Dans la chartreuse, tu sais. Hein, t'as pas dormi de la nuit. Hein. T'as pas dormi de la nuit. Bah, lui, de toute façon, il anime aussi la nuit les soirées fadjessiennes, on peut le dire ainsi. J'ai réveillonné toute la nuit. Donc, il a réveillonné toute la nuit. Moi, je m'arrête là-dessus. Merci à tous pour l'émission. Normalement, il aurait dû dire c'est tout. Normalement, il aurait dû dire c'est tout pour moi. Mais, ça va être difficile de faire mieux. Non, c'est ça. Aymeric, il y a une tradition avec ses frères, Aymeric. Absolument. Ah, Noël. Ce moment de l'année qui réconforte, qui rappelle à quel point nos proches sont précieux, qui ravive l'amour d'une famille, d'un couple et même parfois d'une fratrie. Enfin, pas toutes. Chez moi, dans ma fratrie, on a chamboulé Noël depuis quelques années. Fini les listes de cadeaux établies avec un ordre de priorité. Moi, je veux ça en premier, après je veux ça, et si j'ai pas ça, je veux la toupie Beyblade. Il y a plus de ça chez nous. Fini la précipitation sur son cadeau en mode le matin, en mode oh, trop hâte. J'espère que je vais avoir le nouvel iPhone ou le nouveau Samsung ou le nouveau Huawei, comme ça. J'ai cité trois marques. Fini la liste des gentils chez nous, c'est automatique. Liste des méchants, tu n'as pas le choix. Je vous présente aujourd'hui, les amis, à l'occasion de cette matinée de Noël, pour célébrer la fête du barbu le plus célèbre de l'histoire, après Victor Hugo évidemment, je vais vous parler du Noël des méchants. Une célébration entre tradition et modernité, entre haine et amour inconditionnel, mais surtout entre quatre frères. Le Noël des méchants, c'est quoi? C'est un Noël où en fait on ne se fait pas de cadeaux, ni au sens propre ni au sens figuré. D'accord. L'objectif, c'est de s'offrir une trace à chacun. Une trace. Oui. J'y viens. Et cependant, avant de vous dévoiler quelques cadeaux qu'on a déjà pu s'échanger, je vous explique qu'on a quand même des règles. Règle numéro 1, on n'offre rien de vivant. Parce qu'il y a 3 ans, mon petit frère s'est pointé le surnom de Noël avec des poissons rouges. Sachez que les poissons rouges, ça peut vivre jusqu'à 20 ans, que... Faut pas ça demande un certain entretien et puis qu'il faut accessoirement un aquarium, un filtre à manger, etc. Quand il se pointe le soir de Noël et que le lendemain c'est dimanche, le poisson rouge ça devient technique. Bon, donc à partir de là on a dit on ne fait plus rien de vivant. Poisson rouge après. T'as dit quoi? Ça peut faire de très bons petits encas, des poissons rouges. C'est vrai, pour Noël d'après. Mais s'il est tranquille, c'est ma traitance animale. Mais voilà, donc on a dit plus rien de vivant pour éviter de se retrouver dans quelques années avec un cheval, par exemple, ou moi qui ai peur des chiens, me retrouver avec un pitbull. Je suis moyen chaud, je vous l'accorde. La seconde règle de ce Noël, c'est qu'on est obligé de garder le cadeau sous aucun prétexte. On ne peut s'en séparer si c'est quelque chose d'encombrant, tant pis pour toi. Si c'est quelque chose qui doit être affiché chez toi, tu dois impérativement l'afficher. Vérifiez entre frères si vous gardez ces cadeaux-là ou pas. On se fait suffisamment confiance les uns les autres et je confirme que mes frères ont gardé certains cadeaux qui ont été faits par le passé. C'est marrant ça. Évidemment, rien qui met en danger la vie de l'autre, hein, puisqu'on demande parfois des conseils à nos amis et donc on a des potes qui ont dit mais ton frère il est pas allergique à l'arachide, tu veux pas lui offrir une pâte d'amande? Alors, comment t'expliquer, Patrick, que en fait, ça reste quand même mon frère. C'est un truc de tueur en série. Hein, clairement. malgré tout, je l'aime bien. On dirait pas comme ça. Et puis, l'objectif principal, c'est de évidemment blesser, éteindre, pas physiquement, mais en tout cas, de faire du mal psychologiquement à son frère le jour de Noël. Je sais, c'est très étrange, mais ainsi marche la fratrie Roussas. Petit retour dans le passé. Évidemment, chaque année, il y a un vainqueur de Noël. Celui qui a été le plus méchant gagne Noël et remet son titre en jeu. Avec, évidemment, la menace des autres qui ont pour objectif d'être encore plus fort que lui la saison prochaine. Ça fait 4 ans qu'on fait ça. C'est la 4e année cette année. Je suis pour le moment à... 0 victoire, mais parce qu'on n'a pas encore fait celle de cette, l'édition de cette année, je ne peux pas dévoiler évidemment ce qu'on va s'offrir parce que. Tu t'as creusé le truc quand même longtemps à l'avance quand même. Ah bah ça fait un an que je réfléchis. Vous les êtes offert hier les trucs ? Non, on se les est pas encore offert. On se fait ça. Non, non, en fait, comme on est avec la famille, on veut profiter quand même d'un bon moment et après on se fait ça entre nous, on se fait une bouffe, on refait la même chose, hein, foie gras, saumon, salade, tomate, oignon, puis on se fait des cadeaux un peu hardcore. Je vais vous faire un petit listing de ce qui a pu être offert. Je suis supporter de Manchester United depuis ma plus tendre enfance. Mon frère m'a offert un drapeau d'1m20 de Manchester City qui est affiché dans mon salon, que je suis obligé de conserver. Oui, on te dit qu'il faut que tu mettes quelque part aussi. Ah oui, oui, oui, t'es obligé. Mon grand frère déteste les romans à l'eau de rose. Vous savez, les romans pour ados qui sont... Oui, romance, New Romance. Exactement. Mon frère a offert le tome 2 au hasard d'une saga random qu'il est obligé de garder. Je vais faire un livre à mes frères sur lequel il y a une insulte que je tairai évidemment à la radio, mais il y a un mot par page et le mot se répète. Je vous le dirai en off, les amis. Voir, il doit lire drôle. Tout le temps, il doit lire le truc. Non, c'est simplement le fait de savoir qu'il a sa chaîne qui me ravit. Et mon cadeau préféré, c'est-à-dire un cadeau que j'ai reçu malheureusement, qui est très méchant et que j'ai toujours pas subi entre guillemets. Supporteur de l'AS Nancy Lorraine, mon frère m'a offert une seule et unique place pour aller assister à un match du FC Metz. Le fait est que le calendrier est fait que j'ai pas encore pu trouver de match. Elle a pas. Elle est sur la saison. Ah non, c'est tant que je suis pas allé voir ce match. Tu peux acheter. Tant que je suis pas allé voir ce match. En fait, faut juste que je dise à mon frère, je suis dispo telle date. Il y a un match de Metz à telle date et c'est lui qui me paye la place. Ah oui, d'accord. Je rappelle qu'il paye que la place, donc le déplacement est à mes frais. La nourriture, mes signes, hein. Attends la saison prochaine. Comme ça, tu pourras le voir à Pico. Non. Le but, c'est que j'aille jusqu'à Saint-Symphorien, sinon, c'est pas drôle, évidemment. Évidemment. Donc voilà, trouver les pneus de ta voiture. Le concept est vicieux, mais je trouve ça hyper intéressant. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de savoir à quel point on connaît bien ses frères pour savoir appuyer où ça fait mal. Mon petit frère a une sainte horreur des paillettes. Mon grand frère lui a offert 2 boules de bain Lush à paillettes et évidemment il va devoir prendre des bains avec, là pour le coup il n'aura pas le choix et puis il y aura des traces vu qu'on va laisser des paillettes pendant environ 625 jours approximativement. C'est un peu comme les confettis ça. C'est un peu comme les confettis exactement. Bref, voilà comment on fête Noël chez nous. Bon, je vous rassure, il y a aussi la partie sympa, on fait quand même des vrais cadeaux, pas entre frères. Avec le reste de la famille, oui, mais entre nous, la tradition ne bouge pas. On ne s'offre rien d'autre que des cadeaux méchants. De la merde. Si on veut se faire plaisir, on s'offre des cadeaux à nos anniversaires respectifs. Okay. Pas de chance, le mien tombe quelques jours après Noël, donc concrètement, je m'assois dessus. Et quelque part, il faut un grand respect envers vous pour pouvoir se faire ce genre de choses. Ah oui, oui, clairement. Oui, il faut vous aimer beaucoup pour faire ça. Je vais vous donner une autre idée de cadeau. Si jamais vous avez des personnalités politiques que vos proches n'aiment pas, moi, j'ai offert un tableau à mes frères en taille A3 d'une photo de famille avec deux personnalités politiques dont je tairai les noms. Et qui tiennent un enfant, ce bébé étant ma propre personne. Je vous dirai évidemment en off quelles sont les personnalités politiques. Mais si vous me connaissez un petit peu, je pense que vous avez deviné vers qui on se dirigeait en tant que papa et maman, le temps d'une photo, et mon petit frère, a ça dans son salon. C'est d'ailleurs la première chose qu'on voit chez lui, un tableau de deux personnalités politiques me tenant bébé dans les bras. Enfin, bébé, la photo date de quand j'avais tout de même 23 ans. Voilà. Bon bébé, quoi. Bien joué. Bref, super. Toutes et à tous, profitez de vos proches, passez un joyeux Noël. On va voir ça, là, enfin, ce que tu auras cette année, en tout cas, bientôt. J'ai pas hâte, mais ça promet. Merci à toi Aymeric en tout cas pour cette chronique intéressante. Et tu pourras en parler de chaque année finalement, hein, parce que chaque année c'est différent, hein, donc c'est plutôt cool de son point de vue. Allez, on va écouter un peu de musique. On va on se retrouve dans les années 70. C'est un vieux titre, ça c'était pour toi Bruno, parce que tu me l'as demandé. S'il marche évidemment, pour mais je l'entends pas. Ah si, il est là. Attention, blind test. Comment? Bravo messieurs. Je déclare la trêve pour quelques instants. En qualité de président des moins de 20 ans, même si mon État n'a qu'un ambassadeur qui s'appelle l'amour que j'ai dans le cœur, et même si mon sceptre n'est qu'un petit hochet, respectez-le car maintenant c'est... Jimi Hendrix qui ne voulait pas voir, pour les blancs, les rouges, rouges, les jaunes ou bien les noirs, pour l'ouest ou le sud ou l'est ou bien le nord, pour tous les vivants qui distribuent la mort. Je demande une trêve pour que se passe en paix cette conférence au sommet. Radio pirate, de journal, de télé, mais j'espère bien que j'aurai tout ça un jour, pour ne vous parler que d'un sujet très court. En avant-première, la paix autour de moi, au journal du soir, la paix pour moi. Ah, et voilà les poppies, c'était vraiment pour toi, mon bonjour, hein, parce que tu me les as demandé en rentrée. Ah, mais j'en cours bien. Eh ben écoute, ça fait toujours plaisir. Passez le plus beau des Noëls avec Fadjet. Joyeux Noël, joyeux Noël. Et qu'est-ce qu'on dit à Noël? Joyeux Noël. C'est Noël. Ça reste assez simple hein, comme fête finalement. Joyeux, hein. Noël. Joyeux Noël, on dit joyeux Noël, mes amis, en tout cas. Oh, y a toujours quelqu'un pour dire Noyeux Joël. Oui, c'est ça. Ou alors à Nouvel An pour dire à l'année prochaine. Le tonton beauf de la famille. Et puis les blagues. Ça, les blagues. Amis, les blagues. D'ailleurs, qui c'est qui veut une davinette? Bah oui. Hein, davinette. Alors, c'est une davinette ou c'est une blague? Ouais, c'est une blague devinette. C'est bien, très bien, très bien. Alors, on y va. Quelle est la ville préférée des animaux de Noël? Des animaux de Noël. Alors ça doit être un jeu de mots. Hein? Quoi? C'est Rennes. Bien ouais, joué, c'est bravo. C'est des blagues qui sont testées en laboratoire, ouais. Ne faites pas ça chez nous. Et j'ai juste envie de mettre ce moment de latence derrière, ce moment de silence. Après une blague, c'est toujours ça. C'est ce moment-là qui m'a hein. On n'a pas des applaudissements. Si, on pourrait mettre des applaudissements. Mais là, on peut le faire. On peut le faire nous-mêmes. Bravo, Denis. Parce que quelque part, il faut quoi avant tout? Il faut du courage pour faire ça. Ah oui. Moi, je te l'avoue, je suis en train de faire une réaction épidermique. Il faut une résilience, quelque part, pour il faire est en train ça. De se déguiser. Il faut aucun jugement pour faire ça. Mais il ça. Faut qu'on soit bienveillant, François. Oui, on l'est. On l'est. Le c'est bon le jour de Noël. Noël. Merci, David Black. Davinette, c'est bien, ça te va bien, ça Davinette. C'est pas mal, les Davinettes. Tu pourrais le faire le vendredi, David, qu'on retrouve les vendredis, ouais, effectivement, avec ton équipe. Ouais. Tous les vendredis. Mais je crois que vous avez déjà des trucs un peu spéciaux pour vous le vendredi. Oui, tout à fait. Vous avez quoi? Je vais pas savoir. Non, mais si, vous avez des petits jeux spéciaux un peu. Bah, vous avez pas des trucs où tu fais découvrir des voix au ralenti? Ah non, oui, de tu fais plus? Oui, c'est ça. On non, mais c'est ça pour moi, les jeux spéciaux, c'est vos propres. C'est par rapport à la. Des jeux spéciaux, c'est un peu étrange, François. Interdit au moins de 18 ans. Non, c'est juste que en fait chaque journée a un peu parfois c'est chaque matinale a un peu ses spécificités et toi t'as des jeux sonores on va dire. Oui, exactement. Oui. Voilà. Des jeux spéciaux. Et des jeux spéciaux. Alors, j'ai ça, écouté la matinale du jeudi 18 du vendredi. Non, du la dernière oui, fois, enfin oui. Quelques jours, hein, ouais, du 18. Ouais. Hein. Ouais. Et alors, il y avait des artistes. Hein. Il y avait des artistes. Ouais, oui, très bien, très bien. Il nous laisse comme ça. Il faut savoir que Gaëtan, soit il fait du mime en radio, soit il fait des phrases et on ne sait pas la suite. Vous connaissez Jean-Michel Amoitié? C'est Gaëtan. Le gars. Gaëtan. Retrouvez-le tous les mardis. Hein, pour alors, retrouvez-le tous les mardis. C'est conseil diététique à moitié. Vous c'est avez bien, c'est un créneau. C'est un gros. Si vous écoutez bien, n'oubliez pas de. Si tu as envie de. Mais tu sauras pas la suite. D'ailleurs, si on est dans l'envers, oui. Eh bien, Noël à l'envers, ça fait Léon. Très okay. Bien. Allez, okay. Un deuxième silence. Mais qu'est-ce que j'en fais de ça, Ludovic? Qu'est-ce que j'en fais? Voilà, la troisième, je sors. Hein, je vous le dis. Vous êtes là pour saboter Noël des gens? C'est ça que vous voulez? On va les mettre tous les deux dans une pièce. Gaëtan et Lévi, puis ils vont se faire un ping-pong de vannes. Ils font ce qu'ils veulent. Bon, allez, on va laisser Julien poursuivre un petit peu tout ça. Hein, allez, let's go. Ouais. Et oui, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai préparé un petit guide pratique qui ne sert à rien, mais qu'on adore quand même. Comment choisir les jouets de Noël si on revenait dans les années 90? Vous savez, cette époque bénie où on s'amusait pendant des heures avec des trucs en plastique sans homologation, pas forcément très sains pour la santé et qui faisaient des fois bip bip. Et on commence tout de suite par le Tamagotchi, la pression du rôle parental à l'âge des dents de lait. Dans les années 90, on offrait un Tamagotchi à un enfant pour le rendre responsable. Enfin responsable, hein, moi j'appelle ça plutôt coupable, puisqu'à l'apogée du Tamagotchi, il en mourait en moyenne 1 toutes les 6 minutes en France. Ce jouet, c'était une leçon de vie. Mes parents m'avaient dit « Tu veux un animal ? très bien, mais commence par garder en vie ce pixel en forme de haricot. Ouais, c'est vrai, ça ressemble à rien. Oui. Et évidemment, ça se transformait en véritable échec. Hein, il finissait toujours par mourir, surtout pendant les cours, quand je pouvais pas appuyer sur nettoyer le caca. Et ouais. j'ai vu un truc. Je suis tombé sur une vidéo TikTok. Je crois qu'il y a un mec qui faisait revivre un Tamagotchi. Je crois. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça dernièrement. Ouais, ouais. Ouais. Ah, alors, j'ai pas vu. Est-ce qu'il a appuyé sur reset avec une pointe de stylo derrière? Je sais plus où trouver un truc. Je sais pas parce que c'est ok. C'est quelle année Tamagotchi? Ah non, c'est plus vieux que ça, non? C'est pas les années 2000? Non, c'est fin 90, début 2000. Parce que moi, c'est pas de ma, c'est pas de mon âge à moi. Donc, et il l'a fait revivre, il était content. Et voilà, c'était mais je crois que ça revient. Ça revient. Oui, ouais. Ça revient. En couleur, alors, non, avec un peu de couleur, un peu de vie. C'est des écrans LCD, les machins. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... ouais, mais c'est pas dans le même format qu'on a connu. Non, c'est un vrai chien. C'est un vrai chien. Continue, Julien, s'il te plaît, par pitié. Allez, c'est parti. Alors, je reprends. Alors, du coup, j'ai quand même eu un animal, mais c'était une tortue. Hein, je l'avais appelé Ferrero et sa seule activité, c'était de manger de la salade et d'avancer lentement. Ouais. J'étais convaincu qu'elle était spéciale comme les tortues ninja, alors un jour, je l'ai mise dans l'ego avec une tranche de pizza pour qu'elle sauve le monde. Bon. Elle est jamais revenue pour me remercier, c'est ingrate, hein, et mes parents ont jamais plus voulu que j'ai un animal. D'ailleurs, je me demande toujours encore aujourd'hui pourquoi. Mais oui, pourquoi? Bah oui. J'espère que ça se fait plus aujourd'hui ici. Si, moi, j'ai pas d'enfants, mais vous, non, ceux qui ont des enfants. De... Non, non. Non, non, pas de d'offrir des animaux. Non, jamais, jamais. Non, pitié, jamais trop dangereux. Non. Putain. Ou alors un moustique tigre. Ou un varan, scorpion. Scorpion vénéneux. Un petit alligator. Voilà, normal. Mais enfin, c'est très personnel. Il n'y a pas plus mauvais idées qu'offrir mais un animal. Arrêter, ça, on en a parlé c'est pour cette semaine. Ouais. C'est pas un cadeau. Puis les tortues, à un moment donné, c'est vrai que c'est. Alors je sais pas, c'est pareil, ça se fait peut-être plus aujourd'hui, mais on le voyait que tout le monde avait des tortues comme ça. Alors ils les perdaient chez eux. Et c'était horrible, quoi. Je trouve que c'était très. Bon, en tout cas, j'espère que ça s'arrête quand même. Et des ados, ils ont la piole tellement sale qu'il y a des cafards dedans. Ah, ça, des petits animaux, bah, ils s'en occupent aussi. Ils peuvent s'en occuper même. Ouais, c'est pas bête. Quoi d'autre, Julien? Merci. Alors, on ne peut pas faire ce guide sans parler des POG. Le seul jeu où on avait la classe avec des petits bouts de carton rond. Mm. Dans les années 90, si t'avais des POG, t'étais quelqu'un dans la cour de récré. Hein. Et tu devenais même un seigneur quand t'avais un Kini. Ouais. Le Kini, c'était l'arme secrète pour te rendre cool, même si ça servait à rien. Et avec ça, tu pouvais littéralement faire pleurer les autres dans la cour de récré. Hein. Bon, surtout si tu visais bien la tête. Mm. Bon, fallait pas oublier tes POG dans tes poches avant de mettre ton pantalon en sale, sinon tu te retrouvais avec des bouts de carton sur tous tes habits, plus de POG et une punition par ta mère parce que t'avais pourri la machine à laver. Hein. Et alors aujourd'hui, c'est quand même une valeur refuge, hein, le POG. Hein. Il faut le savoir, c'est quand même quelque chose que je regardais justement. Là, par exemple, si tu te retrouves, alors j'ai jamais joué au jeu complet alors, de POG Jurassic Park. Voilà, donc il coûte, bon, c'est pas énormissime, mais enfin, il coûte $1000. 1000 dollars pour des POG. Il y avait un sac banane rempli. Par contre, c'est les jeux de cartes. Où sont mes POG? Les jeux de cartes complets sous blister. Oui, les Magic ou Pokémon. J'avais vu un reportage là-dessus. Le mec, il l'avait acheté. Alors, je sais pas combien ça coûtait. C'était même pas une centaine d'euros. Et ça en valait 50 ou 60 000. Ah ouais. Sous blister, mais un truc bien spécifique parce qu'en fait il y a le plaisir de. Enfin, tu sais pas si dedans c'est la valeur elle monte parce que dedans tu peux avoir une carte, une super carte en fait, et, qui coûte bien plus cher que les autres. Les premières éditions et compagnie, tous les trucs un peu rares quoi. Un peu rares. Et oui. Mais même les jeux Fisher Price par exemple, moi je te coupe, mais alors je cite une marque malheureusement, mais les jeux en bois, j'avais une roue en bois Fisher Price et pareil, elle est cotée. Une musique triste derrière. Pourquoi? Les gens pleurent, j'avais une roue en bois. Non mais la grande roue. Ah elle avait une grande roue. Tu remontais le truc, puis t'avais les petits. Je pensais que tu jouais avec un cerceau, moi. Tu remontais, il y avait une musique qui tournait, puis la grande roue, elle tournait comme ça. C'était Vosgien, ça. Bah, c'était quand même. C'était en 60, c'était juste après la guerre de l'Algérie. Je revenais. Incroyable. Continue, par pitié. En même temps, dans les Vosges, j'étais forcément en bois. Oui, c'est ça. Mais non, attends, on est sur du beau jeu, hein. Ah oui, on n'en doute pas. Attends, personne ne doute autour de la table. Je vois pas de doute. Bouger les caplas. Pareil, moi je peux tout vous sortir là. Je peux en faire une vraiment belle. Calmez-vous. Mais tu te consolais avec tes billes, petites mais dangereuses. Hein. Les années 90 n'avaient aucune pitié. On offrait des jouets minuscules, ronds, facilement avalables, dans des petites boîtes, souvent format premier secours. Hein. Coïncidence? Je ne crois pas. Non. Il y en avait aussi dans des filets, histoire de te rappeler le filet de bœuf. Hein. Sûrement un petit clin d'œil à la boucherie que tu faisais en les balançant toutes devant ta porte d'entrée pour faire une petite blagounette à tes parents rentrant du boulot. Sacré petit chenapan. On en retrouvait partout chez toi, hein, dans la machine à laver, avec un peu de chance, en même temps que tes POG, hein, pour te faire punir qu'une seule fois. Dans la veste de boulot de ton père, qui, pendant qu'il te conduisait à l'école, a dû se casser une dent ou deux dessus, pensant certainement que c'était des dragibus. Ou encore dans le ventre du chien, et si t'avais pas de chien, sûrement dans la narine gauche de ta petite sœur. Et même parfois, tout ça en même temps. L'aspirateur à sac prenait le tarif aussi. Après avoir avalé la moitié de tout le paquet, il commençait à sentir le chaud et toi par contre, tu commençais à sentir le roussi. Parce qu'au bout de 3 punitions, tu pouvais plus sortir voir tes amis et le rachat d'un aspirateur s'en valait au moins 2 d'un coup. Supplément, petite claque sur le cul. Ah, à l'époque, on avait encore le droit. Que des bons souvenirs. Et on ne peut pas parler des années 90 sans énumérer le célèbre Rubik's Cube, le test de patience ultime. Offrir un Rubik's Cube dans les années 90, c'était un message qui disait « Je crois en toi ». Puis 20 minutes après l'avoir offert, ça devenait « C'est pas si grave hein, si tu fais pas d'études plus tard ». En général, on finissait toujours par trouver une technique pour faire une couleur, mais une seule à la fois. Enlever les étiquettes et les recoller pour faire croire qu'on avait réussi à le refaire, ou le balancer contre un mur. Ça, c'était un cadeau à la hauteur des tests de QI de Harvard. Si tu réussissais, tout le monde te voyait comme le prochain Einstein. Si t'arrivais à le terminer, tu pouvais demander l'amnistie de tes punitions. Mais bon, rares étaient les élus. Pour ma part, elle doit encore être enterrée quelque part au fond du jardin, à côté des billes du chien et du Tamagotchi. Et enfin, on termine par la Game Boy, l'origine de la première surconsommation d'énergie. La Game Boy était un miracle technologique qui consommait plus de piles qu'un détecteur de fumée en panique. D'ailleurs, tous les enfants des années 90 ont un jour prononcé cette fameuse phrase « Maman, tu sais où il y a des piles ?» Bon, si vous n'aviez pas de maman, remplacez-le par papa. Et si vous n'aviez pas de papa non plus, ben vous n'aviez sûrement pas de Game Boy. J'ai fait le compte de toutes les piles que j'avais dû utiliser à l'époque. Avec plus de 350 heures de jeu sur Pokémon, ça représentait l'équivalent de 7 allers-retours Terre-Lune en voiture électrique. Pour les investisseurs de l'époque, les piles, c'était le Bitcoin d'aujourd'hui. Et ça y est, nous y sommes, c'est déjà la fin. C'était le guide pratique sur comment choisir les jouets de Noël si on était dans les années 90. Pas sûr que vous sachiez quoi choisir après tout ça, mais vous savez désormais comment apporter à votre repas de Noël un peu de nostalgie, les anecdotes originales et la magie des moments ratés qui n'en sont finalement pas vraiment. Passez d'agréables fêtes et n'oubliez pas, ne laissez pas de cookies ou de verre de lait pour le Père Noël, laissez-lui un pog et pensez à la tête qu'il fera quand il se fera engueuler par la Mère Noël au moment de laver son costume. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ho, ho, ho. Bien joué. Merci à toi. Tu nous rappelles, moi, ça me rappelle plein de choses, des petits souvenirs d'enfance comme ça. Et des cadeaux de Noël. Aujourd'hui, il y a peut-être une diversité importante dans les cadeaux de Noël. Pareil, moi, je ne sais pas vraiment ce qu'on offre aujourd'hui. À un adolescent, par exemple, quel est le cadeau ultime? Oula. Des sous. Un jeu vidéo. À un jeune de 10 ans, qu'est-ce qu'on offre le cadeau ultime? Un t-shirt de foot ou des trucs comme ça. Ouais, ça les consoles. T-shirt console, de foot, console. Téléphone, console, argent. Ah, c'est génial, c'est qu'un maillot de foot, maintenant, c'est 100 balles. Là, c'est deux cadeaux, moi. Ah non, mais on prend deux un cadeaux, faux deux cadeaux, sur deux cadeaux, ouais. Bon, les amis, eh bien, 8h57, je vais laisser la deuxième partie de cette émission à la direction de notre Alex qui vient d'arriver. Il arrive plus tard, c'est le star. Et moi, François, moi, je vais vous abandonner. Il faut que j'aille. Bah, il faut que je vais faire une sieste. J'ai un multiplex NFL NBA qui m'attend en fin de journée. Il y a Wembanyama qui joue à 21h. Ouais. Je vous aime bien, mais j'ai envie de dormir un petit peu avant de regarder le basket jusqu'à 7h du matin. Donc, je vous fais des gros bisous. Bisous, mon ami. Une merveilleuse fête de Noël. Soyez forts, on se revoit très bientôt. Ciao. Salut. Cozy little Christmas here with you. So Mr. Santa, take the day off. Get a massage. Cause we got this one all under control. A little whiskey. We're getting frisky. Ooh. And so dancing to Nat King Cole. No, we ain't stressing. Just caressing. Mm-hmm. Warming up our popsicle toes. Nothing's missing, cause you're a blessing. Yeah, you're the only one I'm wishing for. Our love is something. A Christmas here with you. I don't need anything. Take back all the Cartier and the Tiffany's and the Chanel. Well, can I keep that Chanel, please? No, no, no, no. Cozy little Christmas here with you. Just you and me under a tree. A cozy little Christmas here with you. C'était Katy Perry avec Cozy Little Christmas with You, probablement. Et je passe la parole à Sarah. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Alex. Coucou Alex. Ravie de te retrouver en ce jour de Noël. Ça c'est la magie de Noël. Ça. Alors, excusez-moi parce que là, vous parlez toutes et tous en même temps. Je viens de rejoindre le studio. Je viens le à studio peine à scintiller. De déballer mes oula, cadeaux. Oula. Donc comme je suis la seule fille, c'est moi qui parle en premier. Il a déballé son cadeau. Bonjour Alex, oui, bonjour, je suis très contente de te retrouver, ça me fait plaisir. Bah oui, ça fait très longtemps que... Ça fait longtemps et en ce jour de Noël, on se retrouve, voilà, ça fait partie de mes cadeaux. Merci, et je suis contente de te voir. Le cadeau est partagé et réciproque. Et donc, tu vas nous parler, alors je vois Sarah, d'un film de Noël. Alors, je peux vous parler soit de pourquoi on aime les films de Noël, parce que moi je suis une très très très grande fan des films de Noël, ou... Au choix, comme vous voulez, comment la Laponie est-elle devenue le pays du Père Noël ? C'est vous qui choisissez. Les films de Noël. La deuxième. Les films. Les films. Laponie. Bruno a voté, c'est bon. Voilà, c'est Bruno, notre vintage. Voilà. Alors, lorsque les premières neiges tombent, les lumières scintillent dans les rues et le parfum enivrant des épices de Noël remplit l'air. Une tradition cinématographique bien aimée fait son retour, les films de Noël. Alors, pour la petite histoire... Moi, j'en regarde un par soir, minimum, depuis le 15 octobre. Peut-être même avant. Peut-être même avant, j'osais pas le dire. Voilà. Jusqu'à mi-avril, tout ça. Non, ça s'arrête. Là, ça s'est arrêté hier soir. Ça y est, c'est fini. Oh. Je clôture le 24 décembre avec mes enfants. Depuis qu'ils sont tout petits, on regarde le même dessin animé, c'est le Pôle Express. On est fan de ce dessin animé avec le train. Il y a un deuxième qui va sortir d'ailleurs en 2026 pour ceux que ça intéresse. Mais pourquoi les films de Noël nous captivent à ce point ? Pourquoi cette magie nous emmène pendant 1h36 de film très exactement ? Des fois c'est 1h23 mais le plus long que j'ai trouvé c'est 1h36. Eh bien les films de Noël ont un pouvoir unique pour émerveiller et captiver leur public. Pourtant, en y regardant de plus près, ce n'est pas seulement l'intrigue ou les acteurs qui nous attirent, parce que souvent, l'intrigue, c'est quoi ? C'est Bradley, qui est veuf, et qui vient d'avoir sa petite fille qui vient d'emmener à l'école. Il y a une nouvelle maman qui est journaliste. Alors non, c'est pire que... On voit que t'es il pas un gros... Il faut un animal dans l'histoire aussi. Comment ? Non. Un golden reverse. Ou un chien ou un poney. Un golden retriever, faut que tu fasses un choix. Arrêtez de me déconcentrer. Non, un chien rocker. Très souvent, c'est une jeune femme new-yorkaise qui a une carrière passionnante, mais qui n'a absolument aucune vie privée et qui retourne dans son village natal, dans le Connecticut ou dans le Vermont, voir sa maman qu'elle n'a pas vue depuis à peu près 80 ans, parce qu'ils ne se voient jamais. Et quand elle descend du bus, elle tombe sur qui ? Son premier amoureux. Brian. David. Son premier amoureux. Voilà, et du coup... Avec la chemise à carreaux et la hache sur l'épaule. Du coup, je ne vais absolument pas suivre ma chronique parce que j'ai appris mon texte, donc c'est pas grave. En fait, ce qu'on aime, c'est que c'est simple et je trouve ça, moi, hyper réconfortant de savoir dès le début où est-ce que ça va aller. On rajoute à ça de la super déco Noël. Franchement, on ne peut pas leur enlever ça. C'est clair, le budget sauf, déco... Oui. Sauf la neige en polystyrène, des fois... C'est plus important que le budget scénario. Voilà. Parce que moi, je ne peux pas me balader en talons aiguilles dans 9 cm de neige quand il fait moins 30. C'est pas possible. Pour moi, j'y arriverai pas. Ah, ça dépend le chef. Moi non plus d'ailleurs. Mais... Non. Voilà. Donc il y a le décor enneigé. Il y a aussi ce côté très réconfortant de savoir où on va. Du coup, je tourne toutes mes pages parce que voilà. Et surtout, les films de Noël, c'est aussi la promesse de miracles. Très souvent, il se passe plein de choses que les gens ont souhaité dans ce film depuis plusieurs années. Et là, tout s'enchaîne. On a Brenda qui va retrouver Ryan. C'était le rêve de sa vie. Elle était encore amoureuse de lui, mais elle ne le savait pas. Elle va changer de carrière dans une carrière hyper épanouissante. Et en plus, elle va retrouver plein d'amis à elle qu'elle avait perdu de vue. Il y a une résilience, une amitié incroyable. Et puis, c'est aussi une façon de se retrouver quelquefois, alors pas tout le monde, en famille devant un film où, comme je dis souvent, on pose son cerveau à côté et on regarde pendant 1h20. Moi, j'adore pour ça. Je fais un chocolat chaud avec plein de chantilly. Et au moins, j'arrive à attirer quand même mes deux ados avec moi une fois. Comment, sans la période. Une question me vient à l'esprit, vas-y, ma chère Sarah. Aussi. Comment as-tu réussi à convertir tes enfants au film de Noël ? Alors, soit je les achète, menace. Soit je leur promets des choses, ou effectivement, Manu a l'habitude des ados, je les menace. Et ça marche très très bien, la menace. Non, je plaisante. On en regarde au moins un ensemble. Voilà, ils sont très gentils avec leur maman, donc voilà. Donc, si jamais vous n'avez pas le moral... Même si les films de Noël, vous aimez pas, parce que ça peut paraître un petit peu... Gnangnan. Allez-y, vous allez voir pendant 1h23 ou 1h36 maximum, vous allez rêver. Joyeux Noël. Ça, c'est beau. Merci. Alors, moi, je voudrais... C'est sûr qu'on va rêver, oui. Juste te poser une petite question qui me turlupine un petit peu depuis un bon moment. Ouais. Est-ce que les films de Noël, les scénarios, seraient pas un peu les collections Harlequin des années 70? Ah, mais c'est très possible. C'est ça. C'est très, très possible. Parce qu'on est un peu dans le même principe. Moi, j'ai un film de Noël préféré. Il est dans le top 3, c'est le premier. C'est Noël à Snow Falls. Je le regarde tous les ans. À neige qui tombe, pour ceux qui parlent en anglais. Noël à Snow Falls. C'est mon film de Noël préféré pour plein de raisons. Et pas forcément pour les acteurs ou l'intrigue. Et moi, il y a un truc qui est stupéfiant, c'est que pendant la période des fêtes, ce que j'aime regarder, c'est les films d'horreur, mais uniquement pendant les fêtes. Enfin, début. Silent Night, par exemple. Bah non, mais de regarder des films, de regarder ça, de regarder des films, des trucs vraiment atroces. Je trouve que la période s'y prête très bien aussi, mais c'est complètement différent. Mais ça, ah ouais. Par contre, là, ça y est, c'est fini. Je regarde plus de l'année. Ah bah moi non plus. Il faut dire que l'année va être finie. Là, il reste 5 jours. Et moi, je regarde du 15 octobre au 24 décembre. C'est mon mari qui souffre. Un petit peu la Maria Carré du film, quoi. On vient te décongeler quelques films chaque année. Tu sais que c'est pas bon de décongeler un aliment recouché. Oui, je sais, mais bon, voilà. Et Alex, c'est l'heure de la Davinette. La Davinette, cher Davy, j'ai appris effectivement que tu venais ponctuer tout ça. Alors, on t'écoute. Alors, que dit un sapin de Noël qui arrive en retard le soir du réveillon ? J'ai les boules. Non. Ah merde, dis pas ça. J'ai eu un pépin, non. Non. Je me suis fait enguirlander. Oui, c'est ça. Bravo ! C'était improbable en plus. Je comprends même pas pourquoi j'ai pas gagné les 40 marches. Pourquoi ? Il est temps de marquer une pause musicale avant de retrouver. Alors comme je prends le conducteur en route, juste avant, on avait entendu. C'était Julien que tu avais fait ta chronique. Oui, ça y est. Julien. Donc j'ai vu Sarah. Et après, ça veut dire que c'est moi qui dois intervenir avec des remixes improbables. Ouais, ok. Voilà. Mais je vous propose ça juste après une pause musicale. Avions-nous écouté Taylor Swift, Christmas? Oui. Ok. Oui. Avions-nous écouté les Poppies? Oui. Avions-nous écouté les Backstreet Boys? Non. Non. Ah ok. Backstreet Boys. Avez-vous entendu François vomir? Oui. Davy, est-ce que tu aurais une autre, blague à nous proposer? Ah oui. Allez, une autre. Là, je vais l'avoir. Alors, le temps que je reprenne. Vas-y. C'est un habillage musical pour ta blague. Quel est le comble du Père Noël? Il doit y avoir plusieurs. De ne pas avoir de cadeaux. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. En fait, il y a peu de réflexion. Vas-y, quel est le comble du Père Noël ? Tu as un indice ? En fait, le problème, c'est qu'il faut combler aussi pendant indice. Qu'on réfléchit. Le comble du Père Noël, t'as un indice à nous donner, Davy, ou pas ? C'est, on va dire, une émotion. Une émotion. Être triste à Noël. Le comble du Père Noël. On l'a peut-être dit tout à l'heure. De ne pas être joyeux. Ou de s'appeler joyeux. C'est un lien avec les boules, d'avoir les boules. Non, comme on disait tout à l'heure. De ne pas trouver de gâteau au pied du sapin. T'as trouvé la chanson ? Alors, je tente. En fait, elle ne se lance pas, donc je vais choisir autre chose, c'est pas grave. Alors, la réponse, c'est se fâcher tout rouge. D'accord. Ah, ah ouais. Ah ouais. Je croirais dans le film Le Père Noël est une ordure. Tu Je suis assez frustré parce que je cherche les carambars, mais je. Moi, ce que je propose, effectivement, elle est gentille. Réussi à lancer Alex. Alors, c'est parti. Ce que je propose la prochaine, tu la donnes et on vérifiera l'année prochaine. On peut faire Géopardy sinon, tu sais, il donne. Alors, tac. Oh là là, mais oui, bah c'est le pas de bol en Allez, fait. Allez, une autre David. Alex, oui, oui. Allez, ça va qu'il en a, 107. Tu m'as dit 107. Non, non, j'en ai pas autant. 7h42 de blague. Je vais vous laisser, les gars. Allez, vas-y, David. Alors, j'en fais une autre. Vas-y, alors, vas-y. Alors, que dit un sapin de Noël qui passe Noël tout seul? J'ai les boules. Voilà. Ah, bravo. Ah là là, ça y est. Tu ne ferais pas une petite imitation, Manu? Oh, c'est super, c'est la fête. Oh, c'est génial. Je me suis fait la tête du Père Noël. Allez, dépêche-toi, on voit la musique. La prochaine Davy, tu ne pars pas en fait. La prochaine Davy, tu nous la fais en mode question pour un champion un petit peu. Est-ce qu'on ferait pas une chronique dans ces cas-là? Bah oui, écoute, dans ce cas-là. Est-ce que je peux lancer ma chronique? Mais chroniquer, allez. Allez. Ta chronique, hein. Ah, ça part. Ah, bah voilà. C'est un malin, il a que ses jingles qui partent. C'est Alex. Corporate, ça. Bah ça, voilà. C'est des jingles qui fonctionnent au moins. Il se fait des cadeaux tout seul, Alex. Oh là là, ça part dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Mais meubler un peu parce qu'en fait, j'avais pas préparé mon texte. Allez, allez, qu'est-ce qu'on a Si on écoutait une Davinette, c'est l'émission Ikea, meubler un peu. Ah bah là, c'est meuble complet là. Non, mais parce qu'il faut dire que François m'a dit, mais t'inquiète pas, c'est très simple en fait. Oui, c'est très simple, et quand on prend en route, c'est pas toujours évident. En même temps, t'avais jamais. David, on compte sur toi. Allez, David. Alors, allez, plus que 103. Alors, le papa de Toto lui demande ce qu'il a commandé au Père Noël. Toto répond : je lui ai demandé qu'il vienne plus souvent. Ah, pas con. Ah, ouais. Pas con. Parce que moi, quand on me demande de faire un vœu, je dis que j'aimerais bien en avoir 1000 des vœux. Oui, mais en général, ça marche pas avec les génies. C'est interdit, tu me ce type de fonctionnement. Dire ce que je veux. C'est Noël, c'est les cadeaux. Après, cette science des génies n'est pas non plus. Sinon, exact. On mange quoi chez vous à midi? Allez, on écoute les Bastric Boys. Ah, mais c'est extraordinaire ça. Hein. Je pense que c'est une petite farce de lutin qui a été faite. Les lutins farceurs et voulait pas, Parlons des lutins farceurs. Alors, on va les compter. Qui fait encore les lutins farceurs avec des enfants de plus de 8 à 9 ans? Qui tente de faire ça quand ça même? Ça m'arrive de le faire avec mon conjoint, mais pas avec des lutins. Oula, ça s'amuse bien chez vous. Est-ce qu'on veut vraiment tout savoir? Il faudra que j'essaye. Oh mon dieu. Range ton lutin farceur, Alex. Oh là là. Montre-moi ton gros lutin. Là on part de lutin fourreur et puis farceur. S'il vous plaît. Alors là, je me dois de rappeler quand même. Il faut garder son sérieux. Mais on est passé de 8h à 23h là. Qu'est-ce qui s'est passé là? On est en carré rose là. Bah oui. Et là, j'ai aucun moyen de censurer en fait les propos. Oh là là, mais Alex, on est foutu. Répare cet ordinateur rapidement. Putain, fourreur, c'est trop fort. Bon, non, mais c'est incroyable. Sinon, ce qu'on peut faire, Gaëtan les connaît très bien. Il va nommer les 1000 premiers lutins par ordre, tous les noms d'apparition. Voilà. Trouvé, Alex? Oui, c'est bon. Allez. Ça. Oh là là là là. Donc, c'est moi, c'est un plaisir d'être parmi vous. À travers votre transistor en ce jeudi 25 décembre. J'ai choisi pour ma chronique musicale et humoristique, donc le Shabbat d'Alex, si vous connaissez cette rubrique habituelle dans la matinale du mercredi, donc de vous faire une proposition de remix de vos classiques de Noël. L'idée est assez simple, j'ai récupéré l'a cappella de 3 chansons et je l'ai superposé sur des instrumentaux des années 2018-2020. Faut qu'on retrouve ce que c'est. Et oui, ce sera à vous de deviner quels sont les musiques. C'est toujours le même truc, Alex, parce que je me méfie dans tes jeux, voilà. Et en fait, c'est le dernier qui répond qui gagne tout. Ah bah ça. Et comme je suis très joueuse et de mauvaise foi. Tout de suite, t'avais dit que tu referais pas. Comme moi. T'avais dit que tu referais pas. Donc tu fais comme moi, tu joues uniquement sur Noël. Donc le principe, ce sera de retrouver. Je vais jouer parce que j'aime beaucoup Alex, alors je joue tous les. Et puis voilà, ça me fait plaisir de te retrouver. Et puis ça serait bien aussi pour la paix au sein de cette table du studio. De me laisser gagner. Voilà, vous avez compris. Donc la dernière chanson, vous vous tairez toutes et tous. Tu couperas les autres micros. Voilà. Première chanson à retrouver, donc le premier extrait, donc c'est l'a cappella d'une chanson avec la musique d'une autre. À vous de retrouver si tout fonctionne. Heureusement, Yves est à côté de moi, je pense que c'est mon fluide. Noël, ensemble. passer Noël ensemble. Il y a Hervé. La musique, c'est oui, Hervé. Oui, bravo Manu. La bravo. Musique, c'est Hervé. Et Noël ensemble, c'est. Écoutez, tout à l'heure, c'est Noël le collectif ensemble. Avec Obispo. Tous les morts, là, qu'il a dit tout à l'heure. Tout, tout à fait. Tous les morts. Non, c'est Obispo, voilà. Donc, bonne réponse de voilà. Manu. Deuxième chanson à retrouver, c'est donc si vous n'avez pas encore entendu cette chanson cette année, c'est que vous avez passé un séjour sur une autre planète. En effet, à chaque hiver, vous connaissez la décongélation de Mariah Carey. Pour cette chanson initialement sortie le 29 octobre 1994, cet incontournable de Noël rapporterait 2,5 millions de dollars par an à son interprète. La musique à retrouver, donc vous allez tenter de retrouver sur quelle musique nous écoutons notre chanson. Chère Maria. C'est déjà déjà d'ailleurs. Bah, All I Want for Christmas, I want for Christmas. Et il y a Jaja, je crois, il y a Aya Nakamura, c'est comme ça. Effectivement, c'est Aya Nakamura derrière. C'est pas Jaja. Et ça n'est pas Jaja. Copine, c'est... copine. Oui, oui, c'est bonne ça, réponse copine. De Tom, oh, yes, et bravo. On entend pas. Ouais. Je n'écoute vraiment pas ça et je. Non, alors, de toute façon, moi je trouve que c'est pas ridicule, Aya Nakamura. Hein. Bah, elle a, on va dire, elle a des rythmes entraînants. Moi, oui, c'est exactement. Mon plaisir coupable, donc voilà, je me permets de l'écouter. Alors, dernier classique de Noël, remixé par Mes Soins. Donc, vous laissez gagner Sarah, vous vous souvenez? Non, bon, après, non, tout non, le monde peut jouer quand même. Plaisante, hein, je plaisante. Allez, c'est parti. Tino Rossi. Tino Rossi, sûr. Voilà, ok. Sur quelle musique? C'est pas Orelsan ou Big Flo et Oli? Non. C'est pas du Gims? Et non plus. Non, attends. C'est un artiste français ou pas? C'est une artiste française. Une artiste qui... Ben c'est Aya encore. Non, ça n'est pas Aya Nakamura. L'artiste, le titre date de 2020. Ah, Romain, Romain. Je vais aller, je vous la replace. C'est la comment elle s'appelait? La jeune, là. Qui dit, Oui. Attends, ça y est, c'est... Anissa, non. Le titre, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, oui, ouais, vous avez trouvé les deux. Bravo. Oh là là, ils sont extraordinaires. Faut avoir une sacrée culture musicale pour trouver des trucs pareils. Et bah vous savez quoi, juste les gars, je ne regrette pas d'avoir perdu. Ne jugez pas cet enfant sur ses goûts. Aucun regret. C'est un honneur d'avoir gagné. Franchement, je suis très fier. Bah, okay. Bravo Tom. Ouais, c'est vraiment une belle réussite. C'est sur ces remixes improbables façon Shabbat Alex que je vous souhaite un joyeux Noël en notre compagnie sur les ondes de Fadjet. Dans 94.2. Bah 94. Noël, service Noël, compris Noël. Même le jour de Noël. À très vite. Alors, allez, on écoute les Patrick Boys. Oui, alors ça va être extraordinaire parce que ça ne démarre toujours pas. On prépare une blague. Est-ce que Yves peut revenir? Est-ce qu'on pourrait pas faire une Davinette? Ah oui, on aurait encore une. Dépêchons-nous, il en reste plus que 102. Je vais tenter là. Est-ce que là ça marche mieux? Ah! Oh non, la Davinette. Et oui. Alors ça c'était Taylor Swift, mais on va pouvoir écouter les Backstreet Boys. Là cette fois-ci, je suis confiant. Non, je suis pas confiant. Aïe. Nous avons Davy. Allez Davy, c'est parti. Allez Davy, à toi. Notre sauveur. Allez. Alors, que dit un sapin dans le traîneau du Père Noël? C'est parti. Non. Alors, quel est le gâteau le plus dur du monde? La bûche. Oui, la bûche de Noël. Ouais. Une autre, ouais, peut-être. Tous les points. Une autre, peut-être. Incroyable. C'est simple. Allez, c'est parti. Une autre. J'ai passé des heures à écrire ma chronique pain à rire. Et un truc sur une bûche comme ça. C'est cool. Moi, je m'en vais. Je ne reviens plus l'année prochaine. C'est fini. Allez-y. Jet, c'est fini. Quel spectacle les écureuils vont-ils voir à Noël? Casse-noisette. C'est ça. Allez, c'était vraiment très dur. Alors, je vais pouvoir lancer une chanson. Les Backstreet Boys. Qui n'a rien à voir avec les Backstreet Boys parce que ça ne fonctionne pas. Mais c'est pas grave. France Gall. Parce que quel que soit le moment de l'année, on a toujours besoin d'amour. Bon réveil à toutes et à tous. C'était France Gall avec Besoin d'amour. Vous écoutez Fadjet. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Et on retrouve tout de suite Gaëtan qui va nous parler de d'après les fêtes, en fait. Eh bien, ça va vite. Eh bien, joyeux Noël à tous. Bonjour à tous. Et je pense que hier soir, il y avait un sujet d'actualité autour de la table. C'était évidemment la remise en forme. Hein, bien sûr, la fin d'année annonce toujours les nouvelles résolutions. Donc cette chronique est aussi bonne pour le 25 décembre que pour le 1er janvier. Alors, après les fêtes, bonne résolution, espoir ou mirage, à votre avis ? Alors comme chaque année, bien évidemment, toutes les personnes se promettent de se remettre en forme, reprendre le sport, manger mieux, perdre du poids, c'est noble, motivant, plein de bonne volonté, etc. etc. Bon, j'ai quelques statistiques quand même. Hein, vous êtes d'accord de les entendre, ces statistiques ? Je pense qu'il y en a une, c'est 99% des... Eh bien non, alors ne sois pas tant médisant que ça. Donc les chiffres ne mentent pas non plus. Hein. Alors il y a Forbes, Presse Agence du Sport, Nutritionist Ressources également. Donc selon un sondage, seulement environ 8% des personnes tiennent leur résolution pendant un mois. Ah, d'accord ? Oui, bon. Pendant un mois. Une autre étude montre que de la plupart des objectifs, notamment donc sport et santé, ne tiennent pas plus au-delà de 2 à 4 mois maximum. Ça, c'est un dur conseil, c'est toute l'année, hein, parce que c'est pas que les bonnes résolutions. Il y a 34% des Français qui disent vouloir faire du sport régulièrement pour 2025, donc c'était une étude de 2025, mais vous pouvez garder les mêmes chiffres pour 2026, j'en suis convaincu. Et puis si l'on considère toutes les bonnes résolutions, donc seulement... une petite partie sont vraiment tenues durablement parce qu'on essaye souvent d'en faire trop et trop vite. Et ça, c'est la deuxième partie. Pourquoi on échoue ? Voilà, à votre avis. Donc là, c'est une vraie question maintenant. Davy, pourquoi on échoue dans nos bonnes résolutions au niveau du bien-être ? Ce que j'aime bien, c'est pourquoi on échoue, qui peut être décomposé en plusieurs mots. C'est pourquoi on est chou. Non, mais on n'est pas tant chou. On veut être chou, mais on échoue. Ça, c'est une blague à la hauteur des boules du sapin de Noël. Voilà. Mais là, on n'est pas là pour faire des blagues, on est là pour être sérieux. Oh là parce là. Que peut-être que Nicole nous écoute et est désespérée et veut se remettre en forme pour. Bonjour si à Nicole écoutes, et joyeux Noël. Une partie des 92% qui échouent au bout de 15 jours. Premier point, les objectifs sont peut-être trop ambitieux. Oh. Ah oui, oui. Hein, ça, très souvent, on met la barre trop haute et c'est pas forcément la bonne chose à faire. On manque de progressivité. On reprend trop vite, peut-être trop intensément, et on va peut-être se blesser. Et puis si on se blesse, eh ben on va arrêter. On arrête. Et puis après, c'est terminé. Et puis, bien sûr, des résolutions qui sont non réalistes. Bref. Plus c'est intense et soudain, plus les chances d'abandon et de blessures augmentent, surtout quand on n'est pas préparé physiquement ou qu'on néglige notre alimentation. Parce que souvent, des personnes n'étaient pas forcément sportives, veulent se jeter dans le grand bain et parfois reste au fond du bassin, malheureusement. Alors, comment repartir progressivement sans blesser son corps ? Donc, allez, quelques exemples. Première semaine, on commence gentiment avec 2 séances de 20 minutes si on était non sportif, hein, c'est sûr. Et même quand on est sportif, on reprend avec des objectifs plus bas. On ajoute la 3e semaine, 1 séance supplémentaire. Et puis la 5e semaine, allez, on rajoute une séance un peu plus dynamique. Ça, c'est vraiment niveau sport. Mais à côté, on n'oublie pas le côté nutritionnel. Et c'est pour ça que je suis là et que j'aime parler de ça. Alors, la bûche. La bûche. Voilà, la bûche. Alors ça, c'est cool, là, c'est roulé sous les aisselles. Tu peux le jeter par la fenêtre. Alors, pour info, j'ai préparé un super cake, un super gâteau. Vous verrez, ouais. Je vous expliquerai ce qu'il y a dedans. Alors, c'est lourd. Non, mais Manu, fous ça de côté, s'il te plaît. Alors, avant la séance, bien sûr, on commence avec un petit snack léger. Après l'effort, bien sûr qu'on récupère avec une bonne hydratation, même réhydratation, des bons glucides et surtout un bon apport protéiné. C'est important pour la récupération musculaire. L'hydratation, c'est sûr, et les antioxydants, c'est mieux également. Et puis, on va finir gentiment par les petits conseils concrets pour tenir sur le long terme. On fait le rappel avec un objectif à la fois et pas 10 résolutions d'un coup. Ils vont me faire échouer ma chronique, ceci. On planifie à l'avance ces séances, c'est important, et puis on s'entoure de personnes compétentes à vous motiver. Donc vous pouvez faire appel à un coach sportif, vous pouvez faire appel à un professionnel de santé pour l'alimentation, et vous pouvez également faire appel à mes services, évidemment, fallait bien que je me place. Cadeau. Et si on n'a pas les moyens. Y a pas besoin de moyens pour manger bien. Voilà, on a tout coach simplement. Sportif. Ouais. Non, pas forcément le coach sportif. Il y a des choses simples. Alors, et également, je travaille avec une petite application qui fonctionne en salle et à la maison. Il y a également du Pilates et avec plein de recettes dedans. Si vous voulez des informations, vous me contactez au 06 76 17 78 83 et je vous explique tout ça. Et alors, en conclusion, Bruno, t'as bien écouté ? Complètement. Parce qu'il fait plein de belles photos de moi. Bruno, il est en train de faire un setup PC. Là. Alors, la conclusion, on joue la carte de la progressivité, on écoute son corps, on a une nutrition adaptée et des objectifs réalistes. Et 2026 se passera bien. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes et à bientôt, les amis. Merci, Gaëtan. Merci. On a envie d'y croire. Hein. J'avais une question. Ah, mince. Passez le plus beau des Noëls avec Fadjet. Joyeux Noël. Allez, question-réponse. Est-ce qu'il faut faire le dry January? Oui, c'est bien. Eh ben, figure-toi que je vais tenter de le faire également parce qu'il m'arrive quand même de boire une petite bière de temps en temps. Donc oui, je pense qu'il faut faire le dry January. C'était la conclusion. Merci. Merci Gaëtan. Le dry January, c'est un petit peu comme mettre son clignotant quand tu vas tourner, quoi. C'est forcément oui. Ah, c'est vrai. Ouais. D'accord. Ah, bonjour. On marque une pause musicale avant de retrouver Manu et sa chronique. Donc le rêve, le rêve de Manu, absolument. On écoute Karel Baudouin avec The Best Gift. Never been a fan of holidays. Made me have bad memories. Remembered everyone be amazed. Throwing all the big parties. All the red and green showing. All the lights out there are glowing. On the houses, on the trees shining. And all the Christmas songs playing. Now I can have a good time. And it's my turn to find all the magic that day brings. And all the good feelings. 'Cause the best gift that Christmas could have given me, it's a whole lovely family. I couldn't understand the craziness about this Christmas time. I couldn't see why I should bless this day when we spend all our times. All the kids so happy and excited to find for when Santa comes by. Now I can have a good time. magic the day brings, and all the good feelings. Cause the best gift that Christmas could have given me, it's a whole lovely family. Cause the best gift that Christmas could have given me, it's a whole lovely family. C'était Karel Baudouin avec The Best Gift sur Fadjet. I have a dream. Je vois des gens qui sont morts. Et vivons ce rêve merveilleux. Les copains, j'ai fait un rêve, enfin un rêve ou un cauchemar, je sais pas trop, faut que je vous raconte. Cette nuit, j'ai fait un rêve magique. C'est tout blanc autour de moi. J'ai une pêche d'enfer, et pour une fois, j'ai pas la tête dans le gaz. Mais oui, oh là là, terrible, il y a de la poudreuse partout. On se croira une soirée chemsex chez Pierre Palmade. Mais comme d'hab, mes sens s'éveillent un à un. Là, je sens que j'ai très froid. Mais merde, dans ce cas, il est glaoui ici. Mais où est-ce que je suis, moi, encore? Il y a du vent, du froid, de la neige, des arbres. Bon, là, évidemment, avec ce froid polaire, comme toutes les nuits, je suis pris d'une violente envie de pipi. Ça doit vous le faire aussi, à vous, les copains, non? Complètement. Ah, bah, ouais, évidemment. Alors, j'allais pour accomplir cette mission quand, tout à coup, je me suis rendu compte avec horreur qu'avec ce froid polaire, j'avais le bigorneau qui était rentré dans sa coquille. Enfin bon, à la guerre comme à la guerre. Ah merde, bon bah tant pis, on fera sécher les chaussettes. Mais avec tout ça, je sais toujours pas où je suis et quel est mon métier dans ce rêve. Je me gratte le menton et là, qu'est-ce que je sens? Mais oui les copains, tabarnak, une bûche, une barbe de bûcheron québécois. Mais colis de Christ, si ça se trouve, je suis le nouveau manager de Céline Dion, là. Oh, j'en suis sûr. Je la vois, Céline. Vas-y, Céline, là, installe-toi, prends le micro, puis chante, l'eau, vas-y. Oh, bah non, ça ne va pas être ça. Et puis, avec un peu plus de lumière, je me rends compte que mon pantalon, en plus de puer la pisse, évidemment, il est tout rouge. Et ma barbe est toute blanche. Mais ça y est, les petits enfants, je suis le Père Noël. Oh, c'est génial. Bon, d'accord, je ressemble à un panneau sans interdit en Corse. Il y a des trous et plein de taches sur mon costume, mais bon, Père Noël, ça, ça claque. Je vais enfin pouvoir découvrir le secret des lutins. Je pénètre dans l'atelier et autour de moi, ça court, des petits lutins partout, surexcités, ça sent la sueur et tout le monde travaille. À mon avis, on doit pas être en France. Et là, un lutin qui a pas l'air le plus pointu du chapeau vient me voir. Chef, on est en retard sur la production. Mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Il y a des cartons partout, ouais. C'est plutôt le moment d'expédier si tu veux mon avis passe-partout. Hein. En plus, les enfants, ils veulent des iPhones et c'est les adultes qui veulent des poupées. Ah, il me semblait bien l'avoir entendu à la télévision au journal de 20h, ça. On vit vraiment dans un monde de fous, mes amis. Et en plus, il y a un autre problème. On n'a plus de papier, Père Noël. Ah bah ça, c'est la crise, petit lutin. Mais c'est pas si grave que les cadeaux soient pas emballés. C'est pas très écologique, tout ce papier qu'on déchire en moins de 2 secondes sans même le regarder. Je parlais du papier au water, patron. Oh, c'est pénible, hein. C'est toujours la même chose avec vous, les lutins, là. Vous êtes grands comme des bonsaïs et vous chiez comme des ogres. Et moi, avant d'aller livrer les cadeaux à la toute la terre, j'aurais bien voulu... poser une petite pêche. Bon bah tant pis, j'irai chez des clients, ce sera mon petit cadeau en plus. Alors là, je sors de l'entrepôt, je me retourne et je vois les 4 lettres au firmament qui brillent au-dessus de l'atelier des lutins. C'est beau finalement la magie de Noël. Par contre, je sais pas dans quel pays on est parce que Noël, ça s'écrit T-E-M-U. Bref, les rennes sont prêts, on décolle, je passe au-dessus des maisons et là, stupeur, avec les planchers chauffants. Il y a quasiment plus de cheminée. Heureusement que j'ai un pied de biche pour péter les serrures et les portes et déposer les cadeaux au pied des sapins. Et là, je vois une superbe maison avec une cheminée, éteinte en plus. Je me dis, ça y est, celle-là, j'y vais. Et là, les copains, qui c'est qui me fait une queue de poisson avec son traîneau magique? Bah oui, c'est lui, c'est Patrick Sébastien, qui s'est fait la tête de Rudolf le renne avec le nez rouge. Il a la musique à fond sur son traîneau, et là, il chante à tue-tête. Ah, qu'est-ce que c'est serré dans ma petite cheminée. Chante la mère Noël, chante la mère Noël. Ah, qu'est-ce que c'est serré dans ma petite cheminée. Chante la mère Noël entre les rennes et les lutins. Et alors dis-moi. Et alors Manu, comment tu t'en es sorti? Ah bah je me suis dit qu'il allait pas encore me niquer la fin de mon rêve, le patoche. Lui, il rentrera jamais dans la cheminée avec ses grosses fesses de renne. Alors j'ai sauté du traîneau pour rentrer dans la cheminée avant lui. Et là... Et je me suis rendu compte qu'il y avait les rennes qui avaient le pouvoir de voler. Pas les gros Père Noël pleins de raclette. Et là que j'allais m'éclater sur le bitume quand tout à coup... Alors non les copains, Père Noël c'est pas pour moi. Parce que tu bosses 1 an par jour, mais t'es fatigué comme si t'avais bossé 2 années de suite. Et puis la magie de Noël finalement, ça devrait être toute l'année. Il faut prendre soin des gens qu'on aime tous les jours et avoir des attentions pour les personnes qui nous entourent régulièrement. Un peu comme la Saint-Valentin en fait. Alors, c'était un rêve à votre avis ou un cauchemar? Bon bah c'était un cauchemar quand même. Bah oui, parce que Patoche arrive encore à chaque fois pour me niquer la fin de mon rêve quand ça va être succulent et savoureux. Donc voilà. Merci notre cher Mais je cher vous Manu. En prie, je vous en prie, merci à vous. On va écouter Bon Jovi avec Blue Christmas. Blue, blue, blue, Christmas without you. Just won't be the same, dear. C'était Bon Jovi avec Blue Christmas. Cher Sarah, tu nous avais proposé tout à l'heure de parler soit des films de Noël, soit de la Laponie. On aimerait bien en savoir un peu plus. Mais d'abord, on devait écouter une Davinette. Alors, bah, on écoute une Davinette. Allez. Oui, c'est... vas-y. Alors. Si. Comment. Comment... Sapin de Noël, non. La bûche. Comment appelle-t-on un chat qui est tombé dans un pot de peinture le jour de Noël ? Un chapeau de paille. Un chapin. Un chapin de Noël. Ouais. Wow, bravo. Wow. On peut c'est ça. Face bravo. À la qualité de cette de Davinette. Je réécouterai juste pour ces blagues-là. Testé en soufflerie, on a dit. Alors Sarah. Alors pour ceux qui me connaissent un petit peu autour de la table, vous savez que je suis partie cet été en Laponie, donc Norvège, Suède, Finlande. Nous sommes partis au milieu d'une canicule en plein mois de juillet parce que sur le cercle polaire en Finlande, nous avions plus de 30 degrés. La vache. Voilà. Alors c'est des choses qui arrivent malheureusement, vive le dérèglement climatique qui apparemment n'existe pas pour nos politiques. Ça me paraissait important d'en parler un tout petit peu. Par contre, comment la Laponie est-elle devenue le pays du Père Noël ? Parce qu'en étant sur ce cercle polaire en Finlande, donc les deux pieds joints dessus, nous sommes aussi au milieu du village du Père Noël à Rovaniemi au-dessus, donc juste sur ce cercle polaire. Mais comment Rovaniemi est-elle devenue la capitale du Père Noël ? Il faut le savoir que le 16 juillet, vous pouvez vous faire prendre en photo avec le Père Noël dans son chalet en bois pour la modique somme de 50€ la photo numérique. Ah la vache, c'est numérique. Plus cher que dans les galeries Lafayette. Même pas imprimé. Et c'est pas imprimé. Alors ? Alors du coup, est-ce que c'est devenu... je pensais que c'était des questions, tu nous racontes en fait. Non, mais je vais raconter pourquoi Rovaniemi est devenue la capitale du Père Noël. Pourquoi c'est pas une autre ville en Finlande ou en Norvège ou en Suède ? Alors souvent, en hiver, en Laponie, c'est quoi les paysages ? Eh bien, ce sont des paysages blancs à perte de vue, un froid polaire. Actuellement, il peut y avoir jusqu'à moins 35. Ah oui, quand même. Ça peut arriver. La Laponie finlandaise, et plus précisément sa capitale, donc Rovaniemi, est estampillée demeure officielle du Père Noël, et ce, en grande partie, à cause des rennes du Père Noël, dont je ne connais pas le nom de tous les rennes. Rudolf. J'ai dit de tous les rennes. Donc Rudolf, je connais. Frères. Tonnerre, je connais. Rudolf Junior. Rudolf Junior, sûrement. Michel, il y en a un qui s'appelle, je crois. Mais alors, je crois que Jackie et Michel, non, ils ne sont pas là-bas. Voilà. Donc, tout commence au 19e siècle, lorsque Noël, poussé par le mouvement du romantisme, devient une fête familiale. À la même période, sur le modèle de Saint-Nicolas, importé par les Européens, le mythe de Santa Claus se développe aux États-Unis au fil des réappropriations. Et c'est en 1931 que Coca-Cola s'empare de l'image du Père Noël. Et donc c'est le symbole qu'il a aujourd'hui en fait. Donc Coca-Cola 1931 aux États-Unis, c'est bon de le savoir. Mais il faut savoir également que Rovaniemi a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, la Finlande a une frontière commune avec la Russie. Les Allemands sont passés en Russie, ont traversé pour aller attaquer la Finlande. Alors avant, ça s'appelait Korva Tunturi à Rovaniemi, il n'y a qu'un traîneau. En 1944, lors de la Seconde Guerre mondiale, la capitale, donc Rovaniemi, est détruite par les nazis. Sa reconstruction est confiée à un architecte, Alvar Aalto, qui réalise un plan de la ville en forme de profil de tête de renne, qui existe toujours, animal emblématique de la région. Pour créer du renouveau économique, la ville dispose d'un accès par le train et d'un aéroport, et décide de miser sur le Père Noël. Une révélation pouvant en cacher une autre, les rennes du Père Noël ne peuvent pas être des mâles, contrairement à l'idée reçue. Savez-vous pourquoi ? pourquoi les reines du Père Noël ne sont forcément pas des mâles. Rudolf, c'est une fille? Non. Ah oui, c'est curieux, ah ouais. Ça. Moi aussi, j'ai cru que c'était des mâles, mais non. C'est pour pas faire pipi quand ils volent, non, ou des trucs comme ça. Pourquoi les reines du Père Noël ne sont pas des mâles? La question est juste biologique. Parce que pour pas qu'ils se reproduisent, non. Bah non, c'est nul. C'est parce que sinon, ça serait des rois, ça serait pas des reines. Non. Bravo, Alex. Oh, joli. C'était une Davinette. Ouais. Tout simplement parce que les mâles en hiver perdent leur bois. Donc, dans la représentation, les reines ont des bois quand ils volent avec le traîneau du Père Noël. Eh bien non, il n'y a que les mâles qui perdent leur bois. Donc, ce sont forcément des femelles. Ah, des bois chez les reines aussi. Je savais pas. Ah ouais. Rudolf, le reine vedette du Père Noël, est donc une femelle, pour répondre à votre question. Et enfin, dernier petit point du Père Noël à la Scandinave, le Jul Tomten. Ah mais c'est qui Jul Tomten? Bonne question. C'est une bonne question. Question de culture générale. Eh bien, Jul Tomten est, on va dire, l'ancêtre du Père Noël, parce qu'avant d'être un Père Noël, eh bien, celui qui apportait des cadeaux était un lutin. Et donc c'était lui, c'est ce personnage. Et donc c'était lui, et dans la représentation générale mondiale, voire planétaire aujourd'hui, eh bien c'est mieux que ce soit un Père Noël qui fait 1m90 avec un gros bidon et une grosse barbe blanche, plutôt qu'un gars qui passe sous la table et qui peut-être ne pourrait pas porter tous les cadeaux. J'ai une petite discrimination là-dessus. Voilà, mais pourtant c'est l'histoire de Jul Tomten, c'était le premier qui distribuait des cadeaux. La source, eh bien c'est directement sur le site de Rovaniemi et des légendes, donc finlandaise, norvège et suédoise. Parce que j'ai une vraie passion pour ces pays et même que j'apprends le suédois depuis le mois d'août. Et comment dit-on joyeux Noël en suédois? Eh bien, je ne sais pas du tout. Ce que frud. Je ne sais pas du tout. Voilà. Bon, bah, désolé de t'avoir pris au dépourvu. Fadjet vous souhaite un joyeux Noël. On marque une pause musicale avant de retrouver Bruno qui nous parlera des films de Noël qui n'en sont pas. On écoute la Compagnie Créole avec Bon Baiser de Fort-de-France. Soir, on est à la télé. c'était la compagnie Créole avec Bon Baiser de Fort de France. A-t-on une devinette encore pour compléter ou je te prends au dépourvu mon cher David ? Tu me prends au dépourvu, mais là j'en ai plus. Ah, j'ai trouvé une devinette moi. Ah. Monsieur et Madame du ciel ont 5 enfants. Oh. Comment elles les appellent-ils ? Betty, Babar, Noël, Quentin, Daisy. Non, Quentin, Sandra. Quentin, ça, ça fait Betty, Baba, Noël, Quentin, Sandra, du ciel. Ah voilà, bah bravo. Et voilà. Bravo. Merci. Yo. Mon toutes les autres, elles étaient là. Hein. Mon cher Bruno, oui. Il y a des films de Noël qui en vrai n'en sont pas. Quand on parle de films de Noël, vous pensez à quoi ? Bah, les films que regarde Sarah, Noël, notamment, avec une menace auprès de ses enfants. Les sapins, les pulls moches, les bons sentiments, mais il n'y a pas que ça. Noël, c'est aussi un décor. Une période, une lumière, et derrière les guirlandes, ça peut tirer, ça peut déraper, ça peut partir en vrille aussi. On va commencer par déjà les films un peu d'action et de polar. Alors, je vais vous planter le décor. Los Angeles, période de Noël. Oui, ça c'est bon. Les héros, eux, sont déjà cassés. Un flux suicidaire, un autre à bout de nerfs et une enquête violente. Noël n'adoucit rien, il souligne juste une solitude. On parle de quel film ? Terminator ? Non. Non, moi je pensais à... Mais c'est pas ça, ça se passe à Noël, le film avec Bruce Willis, là. Piège de cristal. Ah, piège de cristal. Non. Tu l'as, piège de cristal, dans ta liste ? Des larmes fatales. Ah oui ! Ah oui, c'est vrai. Il y en a un autre avec Bruce Willis. Oui. C'est alors, on y arrive. C'est l'histoire d'un homme qui voulait juste passer Noël en famille et qui finit pieds nus dans une tour envahie par des terroristes. Ah, piège de cristal. Et puis, il y a un gros débat dans les familles pour savoir si c'est vraiment un film de Noël ou pas. Piège de cristal, là, si, c'est un film de Noël. Et comme un réveillon Die raté, Hard. Ah, c'est un Die réveillon Hard. Raté okay. Ne suffit pas, on fait le deuxième, Die Hard 2, qui se passe dans un avion. Port. Ah, il est bien, moi je trouve que c'est des super films. Je suis fan de ces films. Avec comment, Hans Gruber, le méchant. J'adore. Hans Gruber, il est mort. Mais c'est pas le seul film d'action qui se passe au moment de Noël. On a un autre avec un flic taiseux, lunettes noires et cure-dents en permanence. L'action se déroule pendant les fêtes de Noël, avec vitrines décorées en arrière-plan. Noël éclaire juste un monde brutal, froid et très années 80. Un c'est flic. Pas son film plus connu. Mais... Jackie Chan ? Non. Maman, j'ai raté l'avion ? Non, on est dans les films d'action. Hein. Américain, le film ? Il y a de l'action. Oui. Il y a les réponses, il copie sur l'ordinateur. Ah ouais, d'accord. Phil Baxter ? Sylvester Stallone, Cobra. Ah, bah alors je connaissais pas du tout. Alors, maintenant, bah, dans les films fantastiques, les films qui dérapent. C'est un cadeau de Noël, mais avec une règle à respecter. Si tu la respectes pas, tout part en vrille. Ah, oui. Petite ville américaine transformée en champ de bataille par des créatures incontrôlables. Un film drôle, cruel et beaucoup plus sombre qu'il n'y paraît, oui. Alors moi j'ai revu Gremlins il n'y a pas longtemps. C'est mal fait. Hein. Alors c'est mal fait, mais je trouve que malgré tout, ça foutait quand même un petit peu les chocottes. Hein. Parce que je m'étais dit, on va montrer ça aux enfants, à la petite qui a 8 ans, là, je me suis dit, elle va être contente. Elle n'a pas dormi pendant 3 mois. Hein. Le mixeur et le micro-ondes, ils ont pas aimé. Ah c'est chouin quand même le mixeur et le micro-ondes. Hein. Ouais. Bon. Là on est dans un New York de science-fiction. Je donne pas le nom de la ville exacte, décoré pour les fêtes, mais entre le pingouin et Catwoman, Noël ressemble surtout à un conte noir, un film de super-héros avec une vraie mélancolie hivernale. C'est Batman Retour. Batman. Batman, ouais. Pourquoi tu donnes la réponse? C'est Gotham, non, la ville de Batman. Batman retourne. Quel est le... Ah, c'est Batman, voilà. Donc, un peu plus dur, là, les lumières de Noël envahissent New York, mais on suit surtout l'errance mentale d'un couple, les fantasmes, le malaise, un Noël décoratif presque oppressant. Là, on est dans les drames. Hein. Fantastique. Hein. C'est fantastique ? Non, non. C'est un drame. Un film suicide drame, à Noël ? Eyes Wide Shut ? Exactement ça. Eyes Wide Shut. Et puis là, les Noëls qui partent en sucette, on en parlait tout à l'heure, un soir de réveillon dans les locaux de SOS Détresse Amitié, des bénévoles protégés. Père Noël est une ordure. C'est un film culte. C'est cela, oui. Et effectivement, elle est gentille. Le dernier, a priori, on est très peu à connaître ce film-là. C'est, alors, vous allez tous vous planter, ça j'en suis sûr. Un enfant affronte un Père Noël menaçant dans une maison ultra sécurisée. Donc, un enfant abandonné le soir de Noël par ses parents qui sont partis faire un réveillon ailleurs. Et ils s'aperçoivent dans l'avion qu'ils ont oublié leur enfant chez lui. Mais c'est un film français, donc on ne se précipite pas sur le micro. presque angoissant, longtemps oublié. Ici, Noël devient un terrain de survie. Oui, donc le scénario de 36, de Maman, j'ai raté l'avion a été honteusement copié pour moi sur 3615 Code Père Noël, un film de René Manzor. Et un film, ah oui, c'est vraiment, il a même écrit un bouquin, 3615 Code Père Noël, parce que c'est ancien. Ça date des années 80, le film est sorti fin 89 de mémoire. Donc en conclusion, on peut dire que finalement, Noël au cinéma, c'est pas toujours une histoire de magie, quoi. C'est parfois juste un décor lumineux posé pour des histoires très sombres. Merci, mon cher beaucoup. Bruno. Merci beaucoup. Et ça va être l'heure de nous dire au revoir déjà. Ah ben voilà. Cette matinale est terminée. On va aller manger. Les infos de Noël à suivre juste après. Non, plus sérieusement, on vous souhaite un joyeux Noël en écoutant Fadjet. Merci à toutes et à les tous. Plus sincères. Merci moi, Alex. Je rendez-vous ce soir à 19h pour un rêve de vie spécial. C'était hier soir d'ailleurs, un rêve de vie spécial sur le Père Noël. Ah. Qui normalement doit être rediffusé aujourd'hui. Ah. Merci Bruno pour cette auto-promo. Pour clôturer cette matinale, je vous propose d'écouter Elsa avec Jour de neige, un titre de avec un titre des Backstreet Boys. Merci encore, bonne journée à toutes et à tous et joyeux Noël. Joyeux au revoir. Noël. Au revoir. Au revoir.